On avait la ligne Maginot, les Allemands l'ont. We're sorry. All of our representatives are still assisting other customers. Please remain on the line as we value your call. Eh oui! Eh oui, Hotline Maginot épisode 4. Le retour. Nous l'avons fait. Ouais. Après des semaines, peut-être. Des mois d'absence. Ouais. Nous l'avons fait. Décennies. Des années, des siècles. Nous l'avons fait 4 épisodes. Ça fait même le 5e épisode qu'on enregistre. C'est officiellement notre record pour une émission. Waouh. Je pense que ça se fête. Ce qui est ridiculeusement bas, mais ce qui est un exploit pour nous. Ouais, c'est déjà ça. C'est bien, on a réussi. Comment ça va, les gars? Ça va et toi? Bah, et ça va et vous? Ça va, hein, écoutez. Là, les gars, ça ne va plus. J'ai envie de commencer tout de suite par la rubrique de l'invité. Je sais pas si ça vous va. Ouais, ouais, allez. Bah, écoute, moi je suis très chaud. Écoute. La musique vient de s'arrêter en plus. Je suis un métronome, tout simplement. L'invité! Moi, cette semaine, j'aimerais qu'on invite quelqu'un qui se régale de bons petits plats sur Instagram. Un Twitchman, invétéré, également mécène de nos parties endiablées de babyfoot quand nous étions au lycée, en plus d'être le gars que j'appelle dès que je galère à faire du montage. Mais il est surtout notre ami. Nous avons l'honneur et la joie de recevoir le premier invité de Hotline Maginot, même avant le cas bordel de merde. C'est quand même un scandale. C'est le parrain officiel de l'émission. On accueille Antonin. Applaudissements. Moi, je peux pas applaudir. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Tu vas la refaire. Bien trop fort la musique. Évidemment qu'on s'entend pas, mais au montage on va s'entendre. Comment ça va? Ça va, juste je ne vous entends pas à cause de la musique, mais tout va bien. Arrêtez, c'est bon, on s'entend. Elle est coupée. Oh, oh putain, quelle angoisse. Oh, wow. Tu vas nous refaire donc l'introduction sans la musique. Ouais. S'il te plaît, parce qu'on a rien compris. Vraiment, et j'ai ben, c'est pas grave. La moitié de tes blagues, on les a pas entendues, ce qui est très triste. Et ouais. C'est pas grave, vous écouterez l'épisode. Au moins ça fera 3 vues. Ouais, après, je les écoute tous, donc. Ouais, menteur. Non, c'est faux, j'ai les stats. Bon. Bon. Il y a zéro vue, ça veut dire. Il y en a pas un seul qui regarde. Si, j'ai encore recruté. Il y a que des enculés autour de cette table, hein. je tiens le dire. Alors, non, moi, j'en recrute des gens pour écouter. Y a déjà. Moi, je m'appelle Pantonin, je m'appelle Lucas. C'est voilà. Vrai, tu t'appelles Lucas, enfin, mais ça se prononce enfin. Antonin. Non, mais rétablissons les choses. Je passe à la télévision, moi. Hein. La quatrième chaise. C'est vrai que tu passes à la télé. Ça y est. Non mais oui, enfin un invité quand les même. Les micros sont pris. Et puis on sait bien parce qu'on est tous vraiment en physique, les uns en face des autres quoi. Ah mais ça faut pas dire les secrets ça. Ah pardon. Les gens ne savaient pas. Hein. Bah maintenant voilà. Non mais ça les laisse gens pensaient que Brice était enroué depuis tout ce temps mais. Ah oui, on fera une IRL au Zénith comme tout le monde. Oui voilà. On remplira pour la centième moitié la salle et ce sera très bien quoi. Zénith de Toulon par contre, hein, j'ai pas précisé. Oui voilà. Zénith de Toulon qui est un des plus grands de France, hein, on oublie de le préciser quand même, mais quand même. Et ben pourquoi même faire. Une acoustique à chier, à ce qu'il paraît donc. Mais ça va, encore vouloir faire les ouais, je te jure. Oui. Non mais on critique Toulon, mais ça va. Oui oui bien sûr. Bah tellement que tu es en train de la fuir. Allez alors du coup le podcast. C'est oui oui. Hotline Maginot épisode 4. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par les actus du jour. Qu'est-ce que. Alors, moi, je voulais perso, d'abord les amis rassurer les auditeurs parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les réseaux. On ne fait pas grève aujourd'hui. Voilà. C'est vrai qu'on enregistre jour du 10 septembre, jour d'effondrement du pays, hein, finalement. Ouais. J'ai eu beaucoup de gens qui s'inquiétaient pour le podcast du jour. J'aurais fait ne vous inquiétez pas, nous serons là. Et il me semble d'ailleurs. On a à peu près tous respecté la chose, sauf Julien hein, qui s'est acheté à peu près 3 maisons aujourd'hui. Ouais, oui, exactement. J'ai viré 4 personnes aujourd'hui. Ah, ouais, putain, je me suis dit. Patron fou. Mais quel patron? Ah, par contre. Oui, mais est-ce qu'il l'avait cherché? Allez hop. Bah, ils ont fait grève donc, déjà, pour Julien, c'est le pas de trop. Mais bien sûr, mais qui fait grève déjà? Personne fait grève. Qui a un travail pour faire grève déjà? Dans la France de Macron, voilà, disons les choses. Disons les choses. Le taux de chômage est tel que. Voilà. Bon. Pardon. Voilà. Du coup, les gens sont rassurés, c'est bon. Voilà. Tu disais les actualités du jour, donc. Ou de la exact. Semaine. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? C'est-à-dire, si oh bon. Là, il s'est passé tellement de choses. Ah, Brice, il a fait beaucoup de bateaux. Ouais, oh, putain. Ça, je sens. Je sens que j'ai des comparses qui n'ont pas bossé, là. Ah, mais si, non, si. Ah, moi, j'ai des actus. Aujourd'hui, jour de grève. J'ai un top 10 des meilleures pancartes qu'on a vues à Marseille dans les manifestations. Oh, exceptionnel. On commence par un classique Bye Bye Beyrou, j'aime bien. Ça pourrait très, être très bon. Télétravail pour les CRS, très très bon aussi. Le logo de l'OM qui devient Out Macron, très très bon. Oh, très bon. Mais ça, on veut le faire floquer carrément. C'est quoi, c'est les pancartes que t'as croisées, c'est quoi sur les... Ah non, moi j'ai croisé personne, hein, j'étais au travail, donc mais c'est un article qui... Comment ça, t'étais au travail, t'as pas fait grève? Ah, je vous le dirai après, j'ai fait grève de l'intérieur, j'étais plus intelligent. Ah, malin. J'ai été payé, chier 45 minutes. Ouais. Et le dernier que je vais vous donner, c'est Ligaturons les Trump. Voilà, bon. Oh. Ouais, c'est... Ça fait réfléchir. International. Un peu plus subtil, ouais. Un peu plus subtil. Ouais, plus subtil. Moi, je préférais avec Macron, quand même. Eh ben, Out Macron avec le logo de l'OM, il est très très beau. Ouais. Ah ben, c'est Macron pas mal. Et aller l'OM, évidemment. Voilà, bien sûr. Bah, ça... Voilà, c'était ma petite actu. Attends, à moi. Mais c'est ton top 10, tu nous en as dit 4 là. Non, non, oui, j'ai c'est pas un vu, scandale. Il y en a certains qui sont absolument dégueulasses, hein, bon, je vais c'est, pas vous c'est les un dire. Scandale, simplement. Moi, je m'attendais à 10, on ouais, en a 4. Par contre, c'est fou. Quitté, en fait. Dis ton top avec le chiffre que tu veux dire, en fait, Brice, la prochaine fois. J'ai un top 100, mais par contre, je vais en dire que 1. Écoute, que le meilleur. C'est pour laisser aux auditeurs le choix d'aller regarder les autres. Alors moi, si je peux rebondir là-dessus, j'en ai vu un aujourd'hui à Toulon. C'était écrit « Bloquons tout, bloquons sans U ». Voilà. Okay. B-L-O-Q-O-N-S. Mais il n'y avait peut-être pas la place. Bah, il n'y avait pas la place, ouais. Visiblement, sur la pancarte. Mais je me suis dit, bon, bloquons, oui, mais quand même. Faut faire des alors choix. Avec un K, parfois. Ça serait... Oui. Bah oui, à la limite, là, ça passait, tu vois. Bah, écoutez, moi aussi, j'ai vu une pancarte. J'ai vu une femme qui avait volé le panneau Sauf Vélo pour passer dans une rue et qui se trimballait avec et qui le portait comme une vraie pancarte. Et moi, je trouve ça... Mais rien ça, à voir avec la manifestation, du coup. Si, c'était ouais, pendant la manifestation. Ah, ok. Ouais, mais pancarte pour chez elle. Pour montrer son mécontentement. C'est ça. C'était des jeunes bourrés. Genre de... c'est une cassette. Ouais, parce que moi aussi, je l'ai fait. Hein. J'étais pas en manif. Hein. Ouais. On était bien en avance des gilets jaunes. Hein. Moi, j'ai des plots qui ont atterri chez moi, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oh là là, ça, c'est... Il nous cherche encore. Hein. Ah, malheureusement. Et sachez que ce plot y est encore, mais bon. Ça, c'est pas mal. De laisser sa marque dans un lycée plus que par tes études. C'est vrai. Et est-ce qu'on peut raconter un peu l'anecdote? Ah, on peut. Je pense que oui, il y a prescription là, c'est bon. Ça fait 30 ans. Hein. Ça fait au moins 32 ans, effectivement. Il y a une prime sur la gueule, par contre. Le contexte, c'est que tu habitais dans notre lycée déjà. Exactement. J'étais, comme on peut ainsi dire, un FDP, fils de proviseur. Exactement. Un inside man. Exactement. Du coup, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait les meilleurs profs et les meilleures classes. Mais bon, c'est peut-être un hasard. Hein, attention. Ouais. Après, si c'était le meilleur qu'on pouvait avoir, quand même, c'était pas. Ça reste un scandale. un peu triste. Et donc, cette histoire, Julien. Oui, et du coup, on s'amusait forcément au lycée. Voilà, on a fait de merveilleuses soirées. Et notamment, on s'amusait sur les balcons du lycée à jeter des plots de signalisation, finalement. Alors, attends, pendant qu'on était bourrés à 3h du matin. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous étiez en soirée avec quelqu'un, enfin toi et quelqu'un d'autre, vous êtes passé devant chez moi, vous étiez un peu fort bourré, vous avez vu un plot et vous avez dit « Eh, si on appelait Antonin ?» Alors du coup, vous avez essayé de m'appeler avec le plot, je n'ai évidemment pas entendu puisqu'il était 3h du matin. Et, oui. Et le plan d'après, ça a été... C'était une soirée au lycée, hein, vous étiez ailleurs, hein. C'était plus tard, je crois, ouais. Mais ben, parce que Julien s'en souvient visiblement plus, donc je raconte ça à sa place. Longtemps. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ils c'est se sont ailleurs, dit, au bout lycée, d'un oui. moment, mais attends, mais il habite au deuxième étage, viens, on jette le plot chez lui. Comme si c'était donc, du coup... atteignable en plus, parce que c'est vraiment très haut, quoi. C'est pas juste ah oui, un non, mais vraiment. Mais... Ouais, mais on était très beaux, et donc. Oui, voilà. Quelqu'un de sain d'esprit se rend compte que c'est impossible. Eux, c'était en mode, allez, on essaye, c'est marrant. Sauf que moi, j'habitais au deuxième étage, et au premier étage, qu'est-ce que c'était? La salle des professeurs. Oh. Et donc le plot a atterri dans la salle des professeurs. Et donc pendant un an et demi, balcon. Il y a eu, ouais, y a eu la thèse de pourquoi un plot a atterri dans la salle des profs. on était trois à savoir. Bon, un peu plus. J'adore après, ce genre de petits trucs où les gens regardent les trucs, ils savent pas et tout. Ouais, c'est ça. Et au final, je l'ai avoué à un prof 2 ans plus tard et il a raconté à bah, du coup, tous les profs. Donc les profs maintenant savent pourquoi il y a un plot dans la salle des profs. Et ils savent qui c'est aussi ou pas ils savent... Non, ils savent pas qui c'est. Ah, dommage. Ils savent juste l'histoire de oh, bah, on va balancer un plot chez le fils du proviseur et ça atterrit dans la salle des profs. C'était le bottle flip challenge à l'époque, et on a fait un peu pareil avec lui. On a bottle flippé sur le balcon. Quoi, exactement. Avec le plan. C'est ça. Il y a même un gars qui était venu nous aider. C'est vrai. Merci à lui. Parce qu'on avait passé tellement de temps qu'il y a eu forcément du passage dans la nuit. Quoi. Et dites-vous que ça ne m'a pas réveillé une seule fois. Oui, bah ça fait, c'est du plastique, ça fait très peu de bruit. Hein. Non, mais parce qu'il devait gueuler comme des bâtards, on le sait très bien. Ouais, ça va. Oh, sûrement. J'ai des souvenirs de soirées où Julien appelle littéralement personne juste pour crier, c'est exceptionnel. Ah ouais. Je ne fais pas. Hein. Et toi, Julien pas, c'est ça. L'actu du jour en Allemagne. Mais moi, mon actu un peu perso, moi j'aimerais passer un coup de gueule. Voilà, oh, je vous dis. Je vais passer un coup de gueule contre Macron. Macron. Est-ce que tu vas te farcir quelqu'un? Je vais me farcir une entreprise mondiale. Ouh. Un GAFAM. Je vais me farcir un GAFAM. Oh là là. Est-ce qu'on peut essayer de deviner la GAFAM? Oh ben, c'est exactement, c'est GAFAM. Ouais, c'est limité, sur... donc. Ouais, ça va être sur Amazon, non? Oui, bah, c'est encore Amazon, c'est sûr et certain. Tout le monde va mettre une pièce. Ah, vous êtes fous, quoi. J'adore Jeff Bezos. Google. Google. Et oui, c'est Google. Ah, mais putain, pourquoi? On avait une chance. Ah parce que... putain, je sais pourquoi, je crois. Oula. Je peux essayer de deviner? Tu peux, mais tu peux tout faire. Non, mais est-ce que c'est pas parce qu'ils ont investi en masse dans un truc pas ouf? Si je devais me plaindre de tous les entrepreneurs qui faisaient ça. Oui, mais il y a une guerre actuellement au Moyen-Orient et ils ont investi des millions et des millions, quoi. Oui, bah. Ah, ils ont fait. Ils ont, Ah, mais bien sûr. Eh bah, ben, c'est non, génial, mais... ça, Google. Eh bah, ça donne encore plus une raison de les détester, voilà. Est-ce que. Ah, mais Google... j'ai vu, oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui parlait de boycotter Google et en fait, on a appris que. Capsta, c'est eux en fait. Ah, bah nickel. Bonne chance pour un boycott. Tu n'utilises plus internet, hein, tout simplement. Voilà, en gros. Et Brice, t'allais parler? J'allais dire, est-ce que c'est encore une histoire de livraison ratée? Non, c'est pas une histoire de livraison ratée, c'est une histoire de météo. Ratée? Ah. De météo ratée, ouais. Ouh. Météo ratée. De météo ratée, non mais parce que la météo de Google est horrible en fait, il faut le dire. Il y a 10 ans, c'était exceptionnel. Mais... là maintenant, si tu n'es pas dehors, tu ne sais pas la météo en fait. On est sur quand même ce concept où tu ne peux pas regarder ne serait-ce qu'une heure à l'avance quoi. Maintenant, on est niqué par Google quoi. Oh. Et du coup, la dernière fois, je me suis fait réveiller par la pluie dans mon appartement directement. Donc, ah oui, d'accord. Ah, bah, très bien. Ce qui a donné cette note sur mon téléphone évidemment de vraiment, il faut aller se faire enculer quand même. Oui. Mais la météo. Tu peux noter. Non. En fait, tu peux. Tu peux... Non, j'ai pas compris la fin de ta phrase. Il a noté ce coup de gueule. J'ai noté le coup de gueule. J'ai cru que t'avais fait un coup de gueule directement à Google en mode je fais. Alors la météo, là je suis pas d'accord, 1 sur 10. Le fou qui contacte Google pour leur parler de la météo, putain. Alors Brice, tu veux qu'on parle Ah, bah après j'ai d'autres problèmes avec Google. Ah, t'as d'autres problèmes avec Google? Ah. J'ai d'autres problèmes. Déjà la recherche IA Gemini, je déteste, voilà, il faut mais le dire. Mais t'es pas obligé ça. Mais c'est. Si, parce qu'on ne voit que ça en fait. On ne voit que ça. Quand tu tapes un truc, la première preview ça va être ça et c'est horrible. Que des infos de merde. En plus, moi, je suis un petit peu, voilà, de par mon métier, j'aime un petit peu faire du code, quoi. Voilà, n'importe quoi, que des mensonges, des fabulations. T'es un gros menteur. Tout le monde sait que tu mens et que tu fais rien à ton travail. Ouais. Si, hélas, malheureusement. Bah. Si vous saviez. Ah, je m'en plains. Je m'en plains énormément. Il en passe des heures. Et également Maps, voilà, Maps, j'en ai ras le cul aussi. Je trouve que ça marche pas mal. Plein de Maps, mais qui fait mieux que Maps? Bah, ça dépend où t'es. Si t'es dans une grande ville, tu peux avoir CityMapper ou des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, mais t'es un connaisseur. Vrai. Ouais, moi je vais pas sur ces terrains-là. Moi, je préfère utiliser Waze et tout, non. Mais Waze, c'est pour conduire. Tu fais pas une marche à pied sur Waze. Tu fais moi, je suis un marcheur, moi. Tu lis pas les avis sur Waze. Tu prends juste la voiture avec Waze. J'aime bien parce que je suis un marcheur juste parce qu'il a pas le permis. Non, mais c'est deux besoins totalement différents. Waze et Maps. Oui, mais c'est bon, Brice. Explique-moi comment ils sont codés, peut-être. Allez. Ah, voilà, c'était tout pour moi depuis la dernière fois. Voilà, je me suis fait réveiller par la pluie. Non, c'est comment ça, c'est le début. Non, mais attends. Non, c'est terminé, voilà. Oui, je... Ah par... Non, mais, non, mais là, pas... Non, mais... Passe en recommandation. Oh. Non, mais je voulais dire, c'est... Je pensais que t'avais de plus grosses souffrances avec Google que ça. Ah bah rien que la météo, ça me pourrit la vie quasi au quotidien, sachant qu'en Allemagne, il y a un temps de merde. C'est simple, il fait beau. Météo. Après, juste au pire... Non, mais c'est tout, parce que c'est les serveurs qui viennent de Météo France, en fait. Et, On va encore en parler de lui, mais c'est à cause de cet enculé de... Non, mais c'est... Mais les c'est à cause de Macron européennes, pardon. Bah, voilà, ouais. C'est à cause de Macron. Bah, en plus, c'est vrai, pour le coup. En plus, ah, mais tout le monde, hein, que les internautes le sachent, c'est vraiment vrai. Si vous avez des problèmes dans la vie, sachez que c'est à cause de Macron. Souvent, bah, depuis quelques temps. Non, mais là, la météo, c'est un vrai truc, pour le coup. Ouais, il y a eu des grosses coupes budgétaires et on utilise des vieux satellites parce qu'il n'y a plus rien, quoi. Oui, mais il y avait un problème avec Météo France, c'était tous ces bureaux locaux où à chaque fois, il fallait payer un mec, ça coûtait un fric immense. Ah, c'est du coup, ils ont ah, tu vois, genre, gens, je crois. Tu prends la défense de Macron, c'est ça que tu es en train d'entendre? Non, ouais, je prends... Non. Attention, quoi. Tu vas se parler mal de Evin Delia? Peut-être qu'avant... Ah, ça, par contre, oui. Et ouais, ils ont viré tous ces gens, je crois. Et après, ils ont mis des trucs automatiques qui marchent peut-être moins bien que les vrais mecs qui regardaient par la fenêtre. Ouais. Bah là, en ce moment, c'est eux qu'on a. Hein. C'est un scandale. Hein. Bientôt, ils vont réinvestir dans les pommes de pain, etc. pour voir si ça se fait vraiment. Faire... Ah oh. Il pleut. Bon. Ils vont engager des vieux avec des rotules en argent là, pour dire il va pleuvoir demain. Là. J'ai un peu mal. Et ça réglerait deux problèmes. La météo, oui, l'emploi et des vieux. L'emploi et... des vieux. C'est vrai. Ah, eh, mais nickel, mais proposons ça. Plus besoin de retraite. Ah, si, attendez, on peut, le on gouvernement peut... vient de tomber, on vient peut-être de trouver 4 ministres là, les amis. Hein. Putain, ah, let's go. Ministre des vieux. C'est trans. Je peux faire une petite parenthèse? Oh bah, ce n'est qu'une parenthèse. C'est qu'une parenthèse parmi tant d'autres hein, pendant ce podcast. Tu es chez non, toi, si demain on vous dit vous voulez être ministre de quoi, vous dites de je suis ministre de. Premier ministre, je pense. Vraiment. Je ouais. pense à vous. Oh le melon. Non, en vrai, pour un ministère, je sais pas. L'économie, je pense que ça doit être le plus marrant. Mais c'est pas drôle ça. Des conneries. Oh, tu te fais chier de fou, économie. Non, le plus marrant, il a dit quand même. Hein. Ouais, lui, il va pour le t'as fun. T'as une Texas Instruments, hein, c'est tout ce qu'on te file. Hein, frère. Non, à la limite, un truc marrant, c'est ministre des Sports, tu vois. Bah, bien sûr. Mais moi, ah, ou la culture. Julien, là, Julien la rien, culture, ouais. Je pense. Moi, je veux un truc bien niche qui sert à rien. Pour aller au César. Genre, la transition écologique. Allez, ouais. Bam! Alors? Parce que le gouvernement, wow. Il en a rien à foutre en fait. Moi, je dénonce. Ouais. C'est juste réel. Je sais pas si vous vous souvenez ce mème d'un mec qui était passé à la télé, il était responsable de la navigation sur les cours d'eau non navigables. Et ben, je veux un peu ce genre de poste. C'est vrai que ça. Mais, attends, quoi? C'est exceptionnel. Ouais, c'était une photo qui sortait d'un JT de TF1, je pense, où ils interviewaient un mec et il y avait marqué ça dans l'intitulé de lui. Mais il a donné ça pour troller, c'est pas possible. Je sais pas, mais je pense qu'en fait, il va t'expliquer que le cours d'eau, même s'il est non navigable, lui, il faut qu'il navigue, je sais pas, écoute. Non, ou alors il surveille s'il y a pas des gens qui naviguent dessus alors que c'est pas navigable. C'est donc le métier. Un policier, quoi. Enfin, oui, bah non, c'est l'eau. Un garde forestier, un garde de rivière. Un garde de rivière. Non, bon, voilà. Moi, du coup, un truc bien niche où en fait, quand tu découvres qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ok. Bah, oh, il y a ministre de l'égalité homme-femme en ce moment. Il y a d'armes dans le gouvernement. Il dénonce. Que... Ah, je dénonce. Non, mais c'est. Non, moi, vous n'avez pas entendu, mais j'ai dit ministère du cancer du sein. Ok. Okay. C'est... Pour toucher des nichons. Précis. Ah, oui, voilà. Ah. Et oui. Donc pareil, on supprime l'égalité homme-femme du coup, j'ai l'impression. Oui, on remplace, finalement. On remplace. Et toi, Kix, tu restes sur le... Bah moi, j'étais sur les... Non, les régions, les régions. Genre comme ça, tu bouges un peu dans la France et tu... Mais qu'est-ce que t'es pas fun quoi. Tu veux juste ton salaire de ministre comme tout le monde, allez, c'est bon, ou toucher des 5 agriculture, ça doit être pas mal aussi. Agriculture, tu vas au salon de l'agriculture, tu te pètes le bide dans toutes les... Eh ouais, ça doit y aller. Ah ouais... Tu fais le tour des trucs viticoles. Oui, c'est sûr. C'est hélas, il faut les décrocher des arbres aussi, oui. Pour voir le terrain. Faire la blague au doule, voilà. Donc, ouais. Encore un excellent Julien. Tous les Juliens de la politique sont goldés. Mais voilà, c'était fin de ma parenthèse, pardon. Non, mais très bonne question. Non, mais superbe. On en sait plus sur tout. Je ferai quelques interventions comme ça par-ci par-là, n'hésitez pas évidemment. Peut-être mon actu de la journée. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu ton actu à toi. Juste voilà, moi j'ai manifesté avec le cœur. Ah. J'ai dit à ma patronne directement que je suis pas manifesté à cause d'elle déjà, donc je pense que je lui ferai un prud'homme. Et qu'ensuite il y a eu une petite manif qui est passée dans la rue et quand ils ont hurlé tout le monde déteste la police, j'ai applaudi. Voilà, j'ai donné. En plus Montpellier, grosse manif j'ai vu sur les réseaux là. Ouais, pas mal. Bah, ils sont bien fait de tabasser aussi, hein, donc. Ouais, en léger. Comme ouais, bah, comme un peu toute la France, donc. Mais ouais, non, franchement, ils ont fait un gros tour de la ville et tout. Il y a eu un vrai truc. Je sais que bah l'avocat qui partage les locaux avec nous, il a fait la manif toute la matinée. Et, et voilà. Goat. Donc ouais, vraiment. Mais personne t'a empêché de faire grève, par contre. Il avait une rue. Bah, à un moment, je me suis dit que tu vas pas. C'est tout, et elle a fait si vous voulez aller m'inviter, il n'y a pas de souci, juste sur votre temps de repos. Je t'en... Bah, ça faut que ça soit normal. Ça, la grève, bah, madame, c'est... En fait. C'est pas ça. C'est vraiment pas le principe. Le week-end. Donc, voilà, juste. Faites grève le week-end. Ouais, sur une pause du midi, entre midi et deux, ouais. Bah voilà, vous mangez pas, tranquille, quoi. Vous mangez dehors, vous manifestez, vous revenez. À 14h, on fait ça. Allez, super. Vous faire un peu gazer. Voilà. Ouais, vous pleurez pas dans les bureaux quand même, hein, s'il vous plaît. Ouais, on vous évite de ramener vos merdes, hein. Hein, que vous vous dégueulassez pas, s'il vous plaît, hein. Faudrait pas abuser, hein. Mais du coup, pour je peux peut-être enchaîner directement sur une actualité. Ah bah bien sûr. Bah écoute, c'est un plaisir. Putain, c'est il me régale, ce mec. Sur la pause midi, est-ce que vous savez, il y a un plat typique du Sud-Ouest. Est-ce que déjà vous sauriez le deviner? Cassoulet. Le cassoulet. Et chaque année, il y a une fête du cassoulet. Ça me dit alors un truc. La fête du cassoulet, c'est en août, au mois d'août. Castelnaudary. Hein. Exactement. Hein, la ville, putain. La ville. On y allait ensemble. Castelnaudary ensemble? Non. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est arrêté. Ouais. On a dû s'arrêter avec Ryan. Ça me dit pas. Ah, mais oui, forcément. La grève de canard ou les trucs comme ça, je pense. Parce qu'on est pas passé loin. Avant tout, chauvin, donc. Et bah, ça, donc à la fête du cassoulet, évidemment, il faut manger du cassoulet. C'est alors, je vous propose de deviner le poids de cassoulet engrangé par une personne qui s'appelle Jérémy et le temps qu'il a mis pour engranger ce cassoulet pour décrocher la victoire. Alors, est-ce qu'on peut poser des questions sur Jérémy? Alors, posez-moi des questions sur Jérémy, je peux peut-être vous répondre ou inventer des choses. Est-il le rugbyman? Il est sûrement au rugbyman, oui. Mais c'est pas compliqué là-bas en même temps. Est-ce qu'il a une certaine morphologie, notre cher Jérémy? Alors, je ne ferai pas de grossophobie, je ne l'ai pas en photo. Non, du tout. Est-ce que c'est pas son premier cassoulet? Ouais, voilà, c'est juste ça la question. Pas son premier cassoulet. Et sûrement pas le dernier. Alors, le dernier, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles sur s'il est toujours en route ou s'il a vomi. Mais disons que l'article a été publié à 8h01. Alors, le mulet est sûrement sur son crâne, puisqu'on est dans le Sud-Ouest. Donc, tout le monde a un mulet là-bas. Et est-ce que Jérémy est un homme blanc avec une salopette? Non, quand même pas. Je me dis que pas pour tous les jours, mais que le jour de la fête du cassoulet, il a dû y aller ensemble. Ouais, sûrement. Ah, t'as pas de photo ou de un jogging. Jérémy? Ah non, moi, là, jusqu'à présent, j'invente tout. Donc, moi, ça me va. Hein, J'avante tout sauf la take. Ah oui, l'info question, existe vraiment. Okay. C'était quel poids de cassoulet il a bouffé? Ouais, moi je veux savoir les modalités du concours. Quel poids en fait. Et en quelle minute, en quel temps? Alors je vous ai spoilé un peu, c'est en minutes, voilà. Mais oui, ben en même temps. Oui, mais est-ce que tu peux pas nous dire justement le temps qu'il a mis et on essaie de deviner le poids? Non. Voilà, c'était quoi le concours? C'était le plus gros mangeur? C'était quoi en fait? C'est alors, sur le week-end où il s'est tué au cassoulet? Sur le moins de temps possible. C'était ok. Tout simplement. Mais non, mais ça marche pas comme ça, la vie. Non, mais en fait, ça marche pas comme ça, un concours. Ils sont tous chronométrés sur un temps et je pense que combien il a bouffé sur ce temps-là. Ah, ben là, je sais pas. Ah, mais c'est quoi? C'est d'être le plus rapide ou d'en manger le plus, le concours? Et oui, c'est ça, ma question. Et moi, je pense que c'est les deux en même temps. L'info, mais c'est complètement pas possible. L'article, tu as les lettres devant toi. Non, parce que c'est un article payant, donc moi j'ai l'info. Oh là là! Attends, t'as dû payer pour voir l'article! Non, c'est une dinguerie! Non, au contraire, justement. Il s'arrête au titre, cet enfoiré. Non, alors attendez, c'est nul, vous dire l'essentiel. Bah l'essentiel, oui. C'est entre pétanque, repas géant et concours insolite, la quatrième journée de la fête du cassoulet a rassemblé Choriens et visiteurs autour du plat emblématique de Castelnaudary. Animation choriens sur l'eau, intronisation. Ouais, je sais rien, je sais pas ce que c'est. Et concerts ont rythmé cette journée, placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise. Ah bah ça, la gourmandise, oui. Ça fait rêver. Hein. Ah, franchement, bah, moi, en tant que journaliste culinaire, j'ai. Ah oui, c'est vrai. Série, hein. Qu'est-ce que t'en penses, oui, l'année prochaine, on s'y retrouve. Ça m'écœure, tout simplement. Ah non, par contre, tout faut que tu fasses un. T'es obligé de faire au moins un réel, au mieux une vidéo. Un réel. Quoi, une story. Allez, à la limite, et je me prends en photo avec Jérémy, tu vois. Et tu vas, c'est vrai que c'est à Castelnaudary, putain, t'as pas, c'est pas loin. Il paye pas tes Zika, ton patron. Non, mais en vrai, tu sais, moi, je pense à un chiffron, genre une demi-heure, non, mais je sais pas, il a dû bouffer. Ouais, dis-nous le temps, en fait. Ouais, en fait, je pense qu'il faut que tu nous dises soit le temps, okay, soit la... C'est en kilos. Alors, je vous donne le temps et après, on discute du... Vas-y. Ok, ok. 7 minutes. Ok, il a bouffé... Oh, l'enfoiré. 1 kilo, 350 grammes. Non, je pense qu'il a bouffé bien plus. Non. 10 minutes. Mais en 7 minutes. Tu sais qu'en 7, vrai... 7, encore pire. Non, mais franchement, s'il a bouffé 3 kilos, je suis pas étonné. Mais, alors, du coup, le... c'était parmi le monde, plus rapidement. En fait, le... c'est tout le monde a le même poids. Ah, voilà, ils avaient tous le même plat. Voilà. Ouais, donc tu vois, c'est un truc rond, c'est sûr. Donc c'est genre 3 kilos, je pense. Ah, mais attends, c'est faut. C'est moins 5 2. Tout c'est 2 ouais, kilos. Un bon 2 kilos. Exactement. Ouais. Oh, 2 kilos 5 de cassoulet. Alors là, je trouve un autre enculé. En 7 minutes. Mais je pense que c'est horrible. Enfin, genre, tu c'est passes trop après-midi. C'est pas compliqué. C'est 350 grammes par minute qu'il a engrangé. Énorme. Non, mais t'imagines. Et à 25 août. À 25 ou 50 oui, c'est vrai dehors, que putain. faut le bouffer. Quoi. Alors, j'ai une assiette hein, de la photo du cassoulet. Hein. Il y a une belle saucisse, oh, bon. Deux belles tranches de lard, du canard sur le côté, une belle cuisse de canard qui a du confit. Ça y va, dans, quoi. Dans ah, tu me donnes faim, là. Et, et voilà. Alors, le concours de plus gros mangeur ne manque pas. Si chez nous, on s'affronte bien volontiers, bon, ça, on s'en bat les couilles. Lors de la fête, le concours mettait aux prises plusieurs candidats avec un objectif de dévorer une portion de 2,5 kg le plus rapidement possible. Devant un public conquis, Jérémy a remporté le concours sans discussion en vidant son plat à une vitesse record. Ah bah, si, gros mangeur, si en plus, il parlait au milieu, c'était exceptionnel. Ah, c'est ça. Loin devant ses adversaires, Jérémy remporte, en plus d'un titre honorifique, un trophée, un jambon et 150 euros en bon d'achat pour la maison Escudier. Il refile à bouffer, quoi. Ouais. Attends, bon d'achat chez qui? Chez la maison Escudier. Alors, j'imagine que c'est une maison qui fait... Le mec, il a bouffé 2,5 kg de cassoulet. Ils font, ah, gars, t'as 150 balles pour en racheter. En vrai. Il va être content. Mais oui, c'est ça, vraiment un truc. C'est ça, c'est de la charcuterie artisanale spécialiste du cassoulet. Donc, vraiment, on est sur le roi du pétrole. Non, mais en sans fait, doute tu sais quelques que mots fais... de ventre aussi, probablement, ils ont dit à la fin pour faire le oh. Hey. Coquin. Et alors? Alors, j'ai le Jérémy devant attends, moi. Et en plus. Ah. J'ai le Jérémy devant moi. Attendez, désolé, Antonin, tu continues après. Alors, dites-vous déjà qu'il y a des mecs en toge derrière. Hein. Des mecs en toge avec une vraie tenue clergé. Ils l'ont canonisé après là. Le mec mourra comme un saint. Alors, il a un bavoir. Un bavoir ah maison Escudier, j'espère. D'abord. Mais voir une serviette là. Au moins. Un corps. le mec est musclé. Le mec est musclé. Enfin, genre. Bien le bâti. Mec est en place. Et alors, la petite particularité, il n'a pas de mulet. Il est brun, il a une coupe courte. C'est qu'il a les lunettes Jackie Tuning. Voilà. Disons oh les oui. choses clairement. Ah. Il a des lunettes Jackie Tuning à l'ancienne. Voilà. Les lunettes qui prennent. Le nez, le visage, le haut des sourcils aussi. Des lunettes de course carré, quoi. Ouais, ah, un carré. Peu lunettes de cycliste, un peu. Enfin, ouais, un peu lunettes de oui, cycliste. Oui, oui. De beau. Il a une salopette ou pas? Non, non, non, pas de salopette. Ah. Un beau pantalon et un t-shirt blanc qui pourrait ressembler au t-shirt natif, voilà, je le dis, donc les natifs. Ah, ouf. Ne commence pas. Ah oui, bah, que les gens aient le contexte parce qu'il est avec un t-shirt natif tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'on parle de natif. Non, natif, on vous embrasse. Et quelle et marque voilà, donc, non, le mec était en place et il a même pas déboutonné son pantalon. Ouh, voilà, c'était ma question. Mais parce que, et la ceinture. Il n'y a pas de ceinture. Donc le mec est venu, ah, oui, je pense, oui. En tenue à l'aise. Il est en jogos ou c'est un pantalon? Mais il est venu de. Ah, pantalon, il faisait la fiesta avant. Pantalon habillé presque, hein, vraiment. Putain, c'est fort. Moi j'ai une petite question alors, en plus. Attendez. Et là, la photo que t'as sous les yeux, il s'apprête à manger, il est en train de manger? Ah oui. Non, bah, il soulève son. Alors j'ai un réel évidemment de qui est passé sur tous les réseaux, je pense. Et là j'ai la photo où il soulève le plat en mode trophée, quoi. Je vous l'envoie dans le chat. Et alors, bah, ma question c'est, est-ce que tu vois pas un liquide autour de lui, genre une bière par exemple, tu vois? Oh. Ah oui, on rince ça avec quoi? Eh bah oui, pour moi tu rinces ça avec de la bière. Mais ah bah, tu le rinces choix, avec le dur, jus de viande, qu'est-ce que vous me racontez? Oui, de rincer ça avec la bière. Mais tu le rinces avec. Non, il y a une bouteille d'eau et. Non, c'est tout. Ouais. Mais tu rinces ça avec putain, le jus de viande. Je suis déçu, c'est pas des beaufs. En même temps, je pense qu'il y a un concours de buveurs de bière juste à côté. Donc. Et oui. Après, là, on parle quand même d'un concours de mangeurs de cassoulet. Alors, attendez, je vous l'envoie. Ça reste du sport. Tac, tac, comme ça, vous avez la photo. Jérémy, en tout cas, a accompli un exploit parce que 350 grammes en 8 minutes, pendant 7 minutes, il faut aller les chercher. Hein. Non, c'est fort. Bravo, bravo, bravo, monsieur. Donc, Jérémy, on t'embrasse. Hein. Bravo, mon Jérémy. Si tu veux je t'envoie aussi, Antonin. J'ai envoyé la photo. Tout le monde a. tout le monde a la vision. Je crois qu'on a, compris ouais, qu'il y avait, qu'on avait reçu un message. Tu l'as envoyé où? Messenger. Ah, c'est vrai qu'il me fait penser, en parlant de concours. Mon coloc est-il une poche ou je sais pas quoi là? Le Ricard. Une sacoche, oui. Une sacoche, pardon. Une poche. Une poche, on est bien à Toulouse là pour le coup. Tu rejoins mon info. Donc... Putain, c'est aussi. Ouais. Quel mot agaçant de dire ouais. Poche. Et un petit sachet, les gars, ça va. Je vais mettre un sac. Voilà. Attends, je suis en train de penser, mais le mec derrière, vraiment, on dirait un putain d'évêque. C'est terrible. Mais oui, ils sont en toge. C'est terrifiant. Non, mais le mec est professeur d'histoire. C'est vrai qu'il est en place, le Jérém. Il est vraiment en place. Hein. C'est fou. Hein. Je pense qu'on peut rien dire de plus parce qu'il peut nous retrouver et nous tuer facile. Mais facile. Mais autre truc important, parce que tu as dit c'était en 7 minutes. C'est écrit en moins de 7 minutes. C'est vrai. Il a fait le sub 7. Après, quand on peut moi, voir, j'ai marqué en 7 minutes. C'est trop visuel, mais j'imagine que ça doit être pile. Oui, c'est trop visuel, mais le mec à droite là est un gringalet de compétition. Tu m'étonnes qu'il a perdu. Ouais, mais en attendant, moi je pense qu'ils font peur ces gens-là. Hein. C'est ceux qui peuvent bouffer, ils peuvent te tabasser. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, c'est comment il s'appelle ? C'est le japonais qui est trop fort, Kobayashi, qui avait le record de hot dog et tout avant qu'il se fasse virer de la ligue. Bah, le mec est secos. T'as jamais vu ça ? Mais après, regarde, nous, il y a pas. Enfin, on avait fait une vidéo où t'as un burger gratuit de 2,5 kg si tu le finis en un repas. Ah oui, je me souviens. Ah, c'est fort, ça. Franchement, j'ai vu des photos des gens qui le finissent. C'est des gringalets. Putain. C'est une dinguerie. Ah, c'est fort, hein, bravo. Bravo à. Ah, mais bravo à tous nos gros mangeurs de France et de Navarre. Et gros chieurs, je pense, pour. Ah oui, gros chieurs aussi. Hein. faut lâcher de sacrés colombins, à mon avis. Je peux vous dire que les donc toilettes voilà pour ma petite actu, les gars. Putain, j'avoue que les toilettes après le concours, mon gars. Ah non, mais là, la société qui gère les toilettes en plastique, là. Imagine, tu passes après. Genre, en vrai, je pense que tu peux pas y aller pendant deux jours, tellement il y a une odeur. C'est la chaise du daron, ça. On reconnaît. Hein, ah, vraiment, hein, ça tremble les murs. Tu prends la porte, tu la secoues pour que l'air elle s'en aille, tu sais. Et là, faut secouer le ciel, quoi, carrément. Mais le mec, il vide les shots tous les deux heures, donc. Au truc là-bas, ils doivent vider les shots tous les deux heures. Hein. J'espère. Attends, mais pareil, comment tu chies 2,5 kg? Non, mais gars. Tu les chies pas d'un coup après. Non, mais déjà, nous, on s'était fait la marinade, le tacos connu en plein mois d'août. Il a dû passer une sale après-midi, le Jérém. Ouais, putain, nous, on l'a fait, c'était 350 grammes, c'est tout quoi. Le plat doit être plein mois d'août, sud. Ouais, mais tu sais, je pense que le cassoulet ça passe mieux parce que c'est par cuillère, enfin c'est par fourchette et tout. Frère, en plein été gars. Comme ça, il fait chaud. Waouh. Putain, le public et tout, nous on était tous les trois, tu vois, en train de manger du tacos. Ouais, mais imagine, pour moi c'est un peu. Oui, mais Jérém, surtout, c'est un peu il va raclette, pas. Tu vois. Genre, tu te vois de faire une grosse raclette comme ça en plein été? Bien sûr. Il paraît que c'est le mieux. Horrible. Je pense pas, hein. Je l'ai fait une fois, horrible. Selon qui, Brice? Ouais, selon qui? Selon Jérémy. Selon moi-même, parce que ça me manque en fait, et j'ai envie de refaire une raclette maintenant. Là. Ah, par contre, j'avoue que ça manque là un peu, j'ai bien envie de faire une raclette aussi. Après là, les gars, on y arrive, hein. Septembre. Ouais, on n'y arrive pas du coup. Sinon, demain, on fait manifestation aussi, et on se bouffe des raclettes. Ça se tente, hein? En vrai. C'est mieux que les barbecues. Venez à Montpellier, on se fait une raquette à la maison avec plaisir. Donc, Mais allons-y. Et je pense qu'il veut nous tuer à Montpellier, Brice. Hein, parce que non, il veut trop qu'il nous cite un plat au hasard. Venez, on fait des pâtes à Montpellier. C'est vrai qu'on a eu le droit aux glaces la dernière fois. Ah, les glaces. Je mettrai un truc sucré dedans, ça s'appelle du chanure, je sais pas si vous connaissez. Venez boire un verre d'eau, les gars, à la maison. Allez, faites 2h30 d'euros, c'est bon. Allez! Eh ben, ah, Antonin, en plus, t'es jamais venu à la maison, c'est l'occasion. C'est vrai. C'est vrai. En plus, il y avait les Adéven. C'est acté. Hop vous là! Voulez... Ouais, putain, c'est vrai, ça aussi. Passer, Non, c'est l'occasion. Oh, je suis pas assez connu marrant, quand même. Mais... Non, t'aurais pu passer. Mais c'était quoi les conditions pour être à distance, toi qui es un petit peu Twitchman, Antonin? Tu peux participer dans tous les cas, t'avais pas de. Enfin, n'importe qui peut participer. Sauf si, en fait, évidemment. Tu es viewer ou quoi? Bah en fait justement les années passées ils avaient fait une sélection et là ils ont fait vas-y on fait comme ça et voilà et en fait sincèrement t'as plein de petits qui n'y participent pas parce que trop petits en fait Et c'est horrible de se réquisitionner un week-end, d'être tout seul devant son PC et de récolter 0€ pour la cause, tu vois. C'est et vrai. Oui, parce que tout le monde regarde les gros streamers. Ils participent pas eux-mêmes. Mais il me semble que c'est ça. J'ai peur de dire des conneries, mais il me semble que c'est ça. Je pense que t'as raison, parce que j'ai regardé les vues de Rebeu Deter, parce que lui, il faisait pas le Z-Event. Genre, je suis passé sur Twitch à ce moment-là. Il avait genre 2000 viewers, tu vois. Donc, ouais, c'est tout le monde était réquisitionné sur les gros streams, quoi. Mais du coup, je pense aux petits. Qui n'ont pas forcément une communauté de méga fidèles, ouais, ça doit être. Ouais, bah moi là, j'ai stream une fois ce week-end, bah il y avait moins de monde, mais c'est normal parce qu'il y a le Z-Event, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est ok. De toute façon, c'est une fois par an, c'est normal, c'est pour la bonne cause, tu vois. Oui, en plus, ouais, ça va. Bien sûr. Donc bon, généralement, même les autres années, je live pas pour que justement les gens se disent vas-y, je vais au Z-Event. Mmh. J'étais en mode bon, bah vas-y, c'est bon, j'ai pas live de la semaine, j'y vais, tu vois. Puis les gens peuvent faire ton live et d'autres lives après. Exactement, et du coup, au final, il y en a, c'est ce qu'ils faisaient. Genre, j'ai quelques viewers qui se mettaient sur d'autres lives et qui restaient avec moi à côté, ils mettaient le son sur les deux et ils profitaient des deux. Oui, c'est ça. Puis il se passe tellement de choses. Tu vois jamais tout, donc... Il y a une marque, il y a une chaîne de télé plutôt qui est pas d'accord, qui aime pas le côté... comment dire ? On fait de l'argent pour les gens qui en ont besoin et tout. C'est les gens de chez Top Gear France. Vous avez vu cette histoire ? Oh oui, je suis sur un réel tout à l'heure qui en parlait exceptionnel. Ouais, j'ai suivi de un tweet, mais du coup j'ai pas compris. Est-ce qu'il avait prévenu en amont qu'il allait react Non, je non. crois pas trop. Il l'avait mis dans les donation goals. Je pense que ça c'est sort ça. Quelques jours avant. Ça. Ouais, mais pour moi il a juste pas préparé plutôt, son stream. Hein, ouais. Ouais, mais bon d'un côté ça va, tu vois. En fait le truc c'est que justement il en parle en stream. Enfin il en a parlé juste avant. En fait il disait les gens ne s'attendaient pas à ce qu'ils atteignent la cagnotte des 300 000 parce qu'en gros c'était son donation goal pour 300 000 c'est un de ses derniers quoi genre, c'est ça attends. Et en fait les gens pensaient vraiment pas qu'il les atteindrait mais il a été tellement fou allié il a quand même ramené un klaxon de TGV quoi. Ouais j'ai suivi ça aussi mais il y a un fait encore plus troublant c'est que son ancien acolyte a eu le droit de react quand il voulait sur l'émission tu vois. Mais en fait justement c'est parce que là c'était pour vocation à se foutre de la gueule de l'émission. Ouais c'est ça, t'as pas les droits, en fait... tu préviens pas et tu vas les tuer pendant 2 heures devant 60 000 viewers. Moi je peux comprendre que c'était moyen chaud quoi. Je crois que de base ils avaient tous négocié les droits. C'est pour ça qu'ils s'étaient pas tant posé de questions. Et là quand du coup la prod de Top Gear qui est la pire prod de tous les temps, j'ai pas honte de apparemment ouais. Littéralement, genre là, t'as moyen de te redorer un peu une image. Vas-y, laisse faire. C'est vrai. Tu dis oui. Mais en gros, c'était. Il devait react à un des épisodes les plus cringe qu'ils aient fait. Mais cringe parce que. Avec son ancien acolyte. Oui, ouais. Pas à cause de Top Gear. Ah non, mais après, moi, franchement, je prends leur défense, mais moi, j'aurais autorisé à 100%. Parce que... Mais bien sûr que t'autorises ça à 100%. Encore heureux, c'est le caritatif. Qu'importe, après, je peux les prendre. Pour le méchant, dès que tu dis non. Et oui, c'est ça. C'est ça, donc t'as pas et c'est pour ça qu'ils ont dit non super tard, parce qu'ils pensaient pas. Enfin, en fait, ils se sont pas positionnés en mode bonne façon, il les atteindra jamais. Et quand il les atteint, ils sont en mode Ah merde. Ah, mais ils l'ont bien menacé, j'ai vu. Ah oui, solide. Hein. Son avocat, il lui a dit fais gaffe, quoi. Putain, c'est chaud. Ouais, c'est un peu chaud, en vrai. Mais après, il y a eu d'autres dingueries tout le week-end, non hein. J'ai peu suivi les dingueries. En tout cas, bravo les 16 millions. C'est vrai, 16 millions quand même, c'est extraordinaire. Putain, c'est fort. Ils ont pété le plafond de verre des 10 millions, enfin c'est... Ça c'est fou ce qui s'est passé. En plus, les 10 millions, ils avaient été battus par là, un truc américain, là, il y a quelques semaines. Ouais, de MrBeast. Oui, MrBeast, ouais. C'est ça. Je crois qu'ils avaient battu... MrBeast, il a fait 12 millions de dollars. 12 millions, ah ouais, quand même. En 24 heures, un truc comme ça, ou un peu plus. Ouais, mais il y a un truc chelou avec ce mec, on sait pas encore. Pareil, 12 millions de dollars, ça fait quasiment 10 millions d'euros, non ? Si tu dis pas de conneries. Non. Enfin, 11 et quelques, je crois. Quand ils l'ont dépassé, en tout cas, ils l'ont fêté parce que. Okay. Après, dans tous les streamers cas, français ont un ego, je crois. Ouais. Non, mais en vrai, soyons honnêtes, tu compares la taille des États-Unis et de la France, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Ah, puis surtout de la communauté. Surtout que moi, je vois pas pourquoi il y a une guerre d'égo, quoi. D'égo sur ça, qu'est-ce qu'on s'en fout. Ouais, c'est de la charité en plus. Donc, Et puis, ça reste le plus grand youtubeur du monde. Regardez. Encore eux qui c'est pour motiver les gens à faire mieux. Après, à j'ai pas honte de le dire. La France a une des plus belles communautés internet. Enfin, genre, quand il faut s'unir pour une bonne cause, les gens ils sont à fond, tu vois. Il faut oublier l'épisode du streamer qui est mort en live. Alors, et voilà, sinon, on a une très belle commu. Oui, bon, après, lui, c'est le cas à part, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Mais ça, on a tous découvert un espèce d'internet parallèle quand c'est sorti. Ouais. C'est vraiment, hein. Genre, tout le monde savait l'existence de ce truc, mais en mode on minimise le truc. Parce que personne enfin genre il faut oui, regarder personne regardait en mode, on savait que c'était pas ouf quoi. Et voilà, mais c'est comme Nasdaq, on regarde pas, mais c'est tout ce qui se passe chez lui, hein. Adé Laurent pareil, enfin c'est des scandales, oui. Hein. Voilà, mais ouais, nous on se sent pas concerné, enfin on connaît pas, mais bon, mais ouais, mais c'est quand même assez connu pour que des gens ah, bien regardent sûr. Ça quoi, et c'est ouf. Bah non, on se dit qu'il regarde ça, mais plein de gens en fait, mais malheureusement oui. Après c'est un contenu qui doit plaire probablement, mais bon, je sais pas, c'est le, je pense c'est les gars de, c'est la suite logique de la télé-réalité, quoi. C'est... Ah, bien sûr. Et que maintenant, c'est toujours les mêmes Marseillais, machin. Les gens, ils sont allés chercher autre chose. Et... Bah, t'as même plus de télé-réalité. Ils sont tombés sur Nasdaq, la chaîne T, et voilà, quoi. Bah, c'est plus vraiment de la télé-réalité. C'est genre des. Genre Moundir qui entraîne Paga des Marseillais, quoi. Enfin, c'est scandaleux, maintenant, les concepts, quoi. Vu qu'ils sont tous. C'est que les mêmes gars depuis 10 ans. C'est... Je pense qu'ils sont trop chiés, quoi. Bah, c'est parce que la télé vend plus, et voilà. Et oui. Julien, bon, voilà. qui enchaîne Julien, tu m'as parlé d'un jeu tout à l'heure. C'est vrai que j'ai un jeu. Je peux le faire, maintenant si vous voulez, ou je peux le faire après une petite actu, comme vous voulez. Bah, allez, on s'adapte à toi, Julien. Petite actu avant, allez. Petite actu, allez, ouais, on enchaînera sur le jeu. Allez. Légère, hein. Assez légère. Abuse pas. Moi, j'ai fait un thème, voilà, on reçoit quand même un dégusteur de talent. Moi, j'ai fait un thème un peu restaurant sur... Sur les actus. Je suis le guide Michelin. Exactement. L'inverse. Alors, à Düsseldorf, en octobre dernier, une pizzeria a été obligée de fermer ses portes par les autorités pour une raison assez cocasse. Bah, j'ai la raison. Oh, aïe, aïe, aïe. Il est trop fort. Tu l'as vu ? Je dis rien. J'ai rien ? Ok. Je l'ai cherché. Est-ce que c'était... Attends, comment je peux... Comment je peux faire demander le truc Est-ce que c'était une pizza spéciale? Est-ce que c'était une pizza spéciale, ouais. Ok, c'est bon. Non, mais tu l'as vu, ouais. Alors, c'est une pizza spéciale. Ah, mais je donne un indice de ouf, en fait, je trouve. Bah ouais. Est-ce que elle est... c'est un goût inhabituel? Pas vraiment. À la forme. J'ai la réponse, la question, elle est folle. Ouais, c'est un peu compliqué de répondre. Mais c'est pas un goût particulier. Non. C'est Est-ce la qu'il y a un ingrédient en particulier? Il y a quelque chose en plus, ouais. Un petit truc? Un petit truc en plus. On peut dire ça comme ça, ouais. Putain. Est-ce que c'est quelque chose qui rend malade les gens? Ça peut. C'est pas la raison pour laquelle ils ont dit ça va fermer, quoi. Il y avait du cassoulet à l'intérieur. Oh, c'est une bonne idée. Putain, une pizza au cassoulet, j'avoue. Petit banger. Ça a dû être tenté dans des sombres régions du sud-ouest. Malheureusement. Je te jure. Est-ce que ça a un lien avec le sexe? Non. Hmm. Non, mais vous étiez sur le bon truc. Il y a un petit truc en plus. Voilà, disons. Mais non. Mais ça, c'était la grande légende urbaine à un moment de. C'était dans un kebab, je crois. Au Nazar Kebab à Toulon, ouais. Non, mais il y avait un article qui était sorti. Genre, on a retrouvé 12 traces de sperme différentes dans un kebab. Il y avait une légende genre, à Toulon c'est aussi impossible. Sur un des kebabs du port. Mais il y a toujours des légendes avec les kebabs. Surtout que c'est impossible, ça veut dire que tu cherches le sperme. Quoi. Les kebabs à Toulon, t'en as littéralement un qui est très très bon et les autres, c'est vraiment éclaté au sol. Hein. Bah, c'est l'Istanbul qui est très bon. Non, c'est le Marmara. Ah bon? Ah, mais lui, il connaît. Exceptionnel. Eh oui, j'avoue, je me trompe avec... T'oses défier le maître? Je suis pas Food Lover. Attention. Je suis pas Food Lover, pardon. qu'est-ce que mais ça c'était un truc avec la pizza, mais pas dans la pizza? C'est ça. Putain. Eh, t'es pas loin. Hein. En gros, la question. Quand ils ont fermé, c'est parce qu'ils ont découvert qu'il y avait une pizza qui était commandée plus que les autres. Ah, c'est genre un code secret. Il y avait de la cocaïne. Exactement. Ouais, c'est bon, je l'ai vu aussi, j'ai vu l'info. Pas mal. Pardon, pas... Exactement, il glissait un petit sachet de cocaïne. C'était la pizza numéro 40, je crois. Ah, c'est nul. Ah bah oui, mais bon. Vous avez pas la pizza cocaïne retrouves. Non plus. Et voilà, c'est ça. On retrouve et quand tu fais du trafic, ça marche bien. Mais c'est en vrai, quand on y pense, c'est ouf qu'ils aient juste remarqué le truc parce que cette pizza était commandée plus que les autres, tu vois. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ouais, je pense c'est... que les mecs étaient sous surveillance. Hein. Je pense que devait coûter 8000 euros, quoi. Enfin, comment ça avec un sachet de cocaïne. Oui, après, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais en vrai, oui, tu le mets à quel prix? Bah c'est le problème, mais non, mais c'est que j'ai cherché sur Attic, il n'y a pas la réponse. Non, je pense que le prix est le prix classique, c'est juste que quand le gars te livre, tu lui donnes un billet de 50 ans. Ah, t'es pas, t'es dans les affaires, toi. Officiel. C'est sous le manteau, quoi. Putain, t'es vraiment lancé, toi. Super malin, toi, tu as un gros cerveau. Bah, j'en ai commandé quelques-unes. Il habite à Marseille après, donc. Ah, bah, il y a Ubership à Marseille, attention. Putain. On connaît, hein. Quelle ville, putain. Oui. Ouais, c'est fou. Et je vais vous lire la suite de l'article. Du coup, voilà. En effet, les clients qui commandaient cette pizza refaisaient sous cette dernière un sachet de cocaïne. Et le propriétaire du restaurant, un homme de 36 ans, inconnu des services de police, a tenté de jeter un sac de drogue par la fenêtre quand la police est venue l'interpeller. Malheureusement pour lui, celui-ci a tiré directement dans les mains des officiers. La scène de film. Et ils ont pris. Il y a deux flics qui rentrent, ils lancent dehors et t'avais deux flics qui attendent dehors. Oh bah ! Ah, mais ça devait être magnifique. Exceptionnel ! Après, si on était dans Bad Boys 2, par exemple, le sac aurait explosé et Martin Lawrence aurait été défoncé pendant tout le reste du film. Mais... Et ça serait exceptionnel. Bon, ça, c'est quand je serai scénariste. Notre rêve à tous et à toutes, au final. À toutes, surtout. Ouais. Ah. Cool. Qu'est-ce qu'ils ont retrouvé dans le restaurant ? 1,6 kg de cocaïne, 400 grammes de cannabis. Quand même ! C'est rien. Ils faisaient le cannabis aussi, sympa. Ah, ouais, ah c'était une autre pizza. Ah ben ouais, je sais pas, si tu l'as commandé avec du piment ou un truc comme ça, peut-être. Imagine une space pizza en vrai. Oh. Attention. Attention. Imagine le mec qui voulait une pizza. Qui voulait juste la pizza. Ah oui, c'était bonne, mais juste la 40, ouais. Ah, il y avait des. Il faudrait bien savoir la compo, ouais. Tu sais, le livreur qui le regarde bizarrement, la 40, ouais, vous oubliez pas quelque chose. Putain. Je sais pas si elles étaient bonnes. On n'a pas le nom du resto pour aller voir les avis Google. Ah ben non, il a fermé. Et l'instant, ouais. Et après, comme ce con, le suspect, libéré deux jours après son arrestation, a repris ses activités illicites dès sa sortie. Et après, en fait, il les a menés à tout un réseau, en fait. Et du coup, ils ont bien fait joué. Tomber tout le monde. Ah oui, d'accord. Oh putain, oh, le débile. Lui, il va sortir, il va pas faire long feu, je pense. Ah bah, il cherche. Après, il avait un bon business, hein, c'est con. Hein. Ouais, ça arrive. Mais c'est comme family business, là. Ah bah, c'est un peu ça. Jonathan Cohen. C'est Black Mirror ou... Pardon. J'aime trop le Floodcast, malheureusement. On les embrasse. Ah là là, REP, hein. Ah, REP, mort depuis. REP. Ah, ça. Il est enterré par nous, d'ailleurs. On ne jamais oublier. Avec le même nombre d'écoutes. Le même. À la virgule près. Hein. Okay, petit jeu. Jus. Petit jeu. Allez, encore une fois. Ah, le petit jeu de jus. On est face quand même à. Un restaurateur de talent, je sais pas les mots, bref. Tu peux dire un food lover. Un food lover, finalement. Un food lover. C'est bien ça, j'aime bien. Mais on est tous des food lovers. Et ici, je vais vous faire un petit quiz autour des derniers repas des condamnés à mort. Ah. Oh, exceptionnel. Mais, alors, sachant que, petite précision, avec Julien, on doit ouvrir un. Mais voilà, un restaurant. Exactement. C'est notre restaurant de rêve à ouvrir avec qui. Ah, c'est que ça, que les derniers plats. C'est que ça, ou les noms, les noms des plats, c'est le nom des tueurs. Ok, après vous pouvez un peu modifier. Ok, non. Non, on la même compo non. Par contre. Hein. Après, on commet des crimes pour faire d'autres plats sur la carte. Quoi. Ah, ok, c'est Et tu bon. Mets de la coke sous les pizzas, évidemment. Ah, bah par contre, oui. Ah, par contre, faut bien rentabiliser tout ça. Ah, bah oui. Et les couverts, donc, c'est des brosses à dents taillées pour pouvoir suriner un serveur si t'as envie. Qui sert mal ou qui sourit pas. Ou qui tue. Bien sûr, tout le restaurant est dans le thème de la prison. Exactement. Ok. Ouais. Pas mal, pas donc mal. Voilà, on et donne l'idée maintenant si les gens veulent investir. T'as le nom ou... Quoi on avait un nom ah. Je me souviens plus. On avait un... Je pense que c'était le dernier repas ou un truc comme ça, non ouais, c'est trop simple. Ouais. Bah, il me semblait écoutez, que c'était ça. La DA était... Mettez-le en anglais. Le dernier repas d'un condamné de Victor Hugo. The Last Meal. Ouais, ça marche aussi, The Last Meal. The Last Meal, The Last Meal, si on le lance à Paris, ça peut percer. Hein. C'est pas mal, The Last Meal. De toute façon, l'objectif, c'était de lancer à Paris. Donc... Ah bah, il y a que là-bas. Pour les bobos ah bah, de merde. Y a que là-bas que ça va marcher, parce que c'est un concept. Et oui. On va les maltraiter, bar, les mettre des menottes. Il faut l'appeler bar à repas des condamnés. Le bar à dernier pas, donc. Bar à prison. Prison bar. Oh putain, mais ça y est. Ah, allez, on avait ton idée fuse. Food lover, bientôt la vidéo. Vous m'appelez, les gars, je viens. Allons-y. Alors là, on va commencer par l'apéro. Mathias Knessy, un brigand bavarois, selon Wikipédia. Une bonne je veux pas savoir ce qu'il a fait, mais. Donc, ouais, à votre avis, qu'est-ce qu'il a demandé à l'apéro? Attends. Il a demandé pour son dernier repas, mais là on est dans la catégorie apéro. Voilà, je vous aide un peu. Des cacahuètes. Un bon français du coup ? Non, il y a non, un brigand bavarois. Brigand bavarois. Et il lui a demandé qu'on lui serre les couilles, mais pas trop fort. Allez. Sûrement. Excellent ça. Est-ce que c'est seulement à manger ou c'est une boisson aussi à boire ? Ça, c'est uniquement une boisson même. Ah, une bonne bière. Bah, une bière. 6 verres de bière précisément. Un petit pack. C'est mis une petite caisse. Ça, il a fait dangereux en bagnole après. je vais lever le pied. Ah, il a dit je vais passer à la chaise électrique. Ouais. Ensuite, Adolphe. Attends, moi j'ai une question Eichmann. Existentielle quand même super importante. Pas de soucis. Il a demandé 6 demi ou 6 pintes ? Ah, j'ai pas l'info là. Ah putain. Je pense qu'il a demandé des bouteilles de bavarois. Je pense que c'est des énormes pintes. Je pense que bavarois, oui. Il n'y a pas de tireuse dans une prison, qu'est-ce que vous racontez ? Non, mais c'est taille pinte quoi. Oui, allez. Tu demandes et ils vont chercher. C'est vrai, c'est vrai. Vous imaginez les mecs qui doivent s'occuper d'aller chercher les derniers repas, leur vie, ils doivent toujours trouver des trucs de fou. Ah, je crois que c'était enlevé maintenant. Il y a des limites. Maintenant, la soupe et la tarte au caca. Et... Ah, bah ouais, je crois vraiment que c'est ça. Je me suis fait rire sur la tarte au caca. Il y a eu caca dedans, ça m'a fait rire, ça m'a eu. Alors, du coup, pardon, je t'ai coupé, Julien. Dans ta... Oui, Adolphe Eichmann, à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Déjà, il a un très très beau prénom, si je peux me permettre. En effet, il était haut fonctionnaire du Troisième Reich. Ah bah, on s'en doutait pas, bizarrement. Et on est toujours dans la catégorie apéro. Ok. Un bon sauciflard. Des non. cacahuètes. C'est encore du liquide. Ah. Bah, ça doit pas être de la bière. Du vin. De l'eau bénite. Du vin. C'était du vin, en effet. Il a bu une moitié de bouteille de vin, mais pas n'importe d'où. Du vin israélien, quand même. Le mec était un contrôleur. Ah. Du vin quoi ? Attention. On a le droit. Alors attention, il y a un contexte, c'est on a le droit. Période. Période que tu préfères, Ikeen, tu me disais. Attends, quoi ? Attends, pause. Tu viens de comprendre un dirigeant du Troisième Reich ? Oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça reste un troller. Ouais. C'est le truc. Putain, mais je suis... Ok. Il faut aller. Ah bah, hater oui. Jusqu'au bout. Ah bah, alors qu'aujourd'hui, Julia, il boycotte Google. Exactement. Ouf, vois, comme quoi, hein. Comme quoi, hein. Où sont les nazis finalement, bref. Et les filles. Ok, donc de la bière, du vin, pour l'instant, ça fait un pour bon l'instant, c'est pas mal. C'est vraiment alcoolique, hein, c'est... Ensuite, nous avons la cambrioleuse Barbara Graham. Quelle là, année sur, Franchement, je sais pas. Ok. Je peux chercher pendant qu'on parle. Non, mais je sais pas, peut-être ça nous aide. Là, on est sur un bec sucré, là, de la part de Barbara. Un Paris-Brest. Non. Ça aurait été très marrant. Elle est décédée en 1955. Un donut sucré au sucre. C'est pas un donut. Ok. Elle est, on peut avoir sa nationalité ? Oui. Elle est américaine. Ouais. Ok, un milkshake. Ouais. On s'en rapproche. Oh, une glace ? Un smoothie ? Une glace. Un sundae au chocolat. Pour le petit-déj. Okay. Sympa. En vrai, mignon. Ouais, pas mal. Ouais, d'ailleurs, j'ai dit cambrioleuse. Selon son Wikipédia... meurtre aussi, hein. Attention. Ouais. Bah, évidemment, sinon c'est pas drôle. J'ai peut-être lu un peu vite. Ensuite, le meurtrier Gary Gilmore. À votre avis, là, on est sur c'est open bar. On est sur un repas là. Un verre d'eau. Un burger en vrai. Un burger, ouais. Ensuite. Voilà. Un bon cheeseburger. Il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs. Ouais, il a pris un menu. Un bon Coca-Cola. Il s'est fait kiffer. Il a pris un menu McDo. Pas de coca. Non, c'est peut-être pas un spécial. Il a pris d'autres plats en plus de ça ? Ouais, il y a hamburger, frites, et encore, il y a deux boissons, et il y a... Bon, celui-là, vous le trouverez pas, mais il y a des œufs durs aussi. Deux boissons. Il y a un café ? Il y a un café. Oh, il s'est fait un petit entrée plat dessert menu du jour. Et après, voilà, il a pris le Dijon, du whisky. Ah bien. Sympa. En vrai, bon repas. Ouais, franchement, sympa. Là, on est sur un cas d'or, John Wayne Gacy, le clown tueur. Donc, 33 meurtres et viols multiples. Il a mangé un clown. Ce qu'ils lui ont dit, il s'est pendu de lui-même après. Face à cette blague. À votre avis, qu'est-ce qu'il a bien pu commander ? Pareil, c'est un repas ? C'est un repas, ouais. Ouais, mais là, je crois que maintenant, c'est que des repas, justement. Ah, pas forcément, alors, je crois. Des pâtes au pesto. Non. Non, mais c'est un ricain. C'est un ricain, ouais. Il va pas bouffer des pâtes. Est-ce que c'est un peu quelque farfelu. Chose qui est grand, qui est gros, pour qu'il puisse jamais finir et jamais être condamné à mort. En tout cas, c'était conséquent, mais je pense qu'il a fini. Moi, tu vois, je pense à un truc. Alors. En fait, je pense bien ricain, je pense genre poulet frit aussi, tu vois. Ouais, pas mal, putain. C'est ça précisément, un menu KFC, ouais. Ah, mais j'ai pas ça. T'es bouillant. En fait, dès que c'est ricain, faut partir sur tous les clichés. Et visiblement, je sais plus, je pense c'est dans les années 80, John Wayne Gacy, mais il y avait du poulet, des beignets de crevettes, des frites et des fraises. Donc apparemment KFC. Ah les fraises, c'est pas mal KFC. Tu pouvais te la mettre au KFC. Putain. Mais est-ce que KFC ils sont contents d'être associés à ça? Ou McDo? C'est pas la meilleure pub. Ouais. Je pense qu'ils communiquent. Ah d'un côté si hein. Après ouais, c'est tellement bon que t'as envie d'être que son dernier mourir, repas. Quoi. Je te jure que. Ah ouais, tu peux faire ta com là-dessus, mais bon, faut oser. Faut gérer, ouais. Ouais. Faut avoir un bon set. Après, le bad buzz que tu te prends derrière, faut l'assumer. Ouais, quoi. Ça va. Parce que ça reste un violeur, hein, globalement. Ah ouais, merde, ouais, pas lui alors. Et tueur d'enfants aussi. Oui, voilà, c'est quand même lui qui a créé les clowns tueurs qui nous cassent les couilles c'est Halloween, quoi. Donc, tous les Halloween. Okay. Ensuite, nous avons. Attends, j'en avais un pas mal. Victor Fugger, je pense qu'on dit. Condamné Victor pour meurtre violent. Yama. Meurtre violent. Une ouais. Bonne entrecôte. Non, là, on est sur quelque chose de plus minimaliste, disons. Ah. Du popcorn, du maïs, au moins, quand ils l'ont incinéré, après, ça explose de partout. C'est horrible. Plus minimaliste. Ouais. Genre une entrée. Genre encore plus minimaliste que ça, quoi. Un petit truc. Un truc, ouais. Pas une pomme de terre. Est-ce que c'est un truc qu'on mange habituellement ou pas? On peut, ouais. On peut retourner dans le truc de l'apéro, je dirais même. Une cacahuète. Non. Mais c'est une quelque chose, quoi. Enfin, c'est un quelque chose. Un chips. Oh. Non. Mais continuez sur l'apéro, vous allez trouver. Une rondelle de saucisson. Non. Un saucisson. Un sushi. Non. Putain, c'est dur. Un indice. Ça peut faire mal au cul aussi. Ah, une noix. Une olive. Alors. Une bite. Une olive, en effet. Une olive, ah, aussi, oui, effectivement. Une bite, ça marche. Timothy McVeigh, condamné. Il a commandité un attentat terroriste à Oklahoma City qui a coûté la vie à 168 personnes. Et petite anecdote, il a été arrêté par la police une heure plus tard parce qu'il a oublié de mettre une plaque d'immatriculation à l'arrière de sa voiture. Oh, donc, putain, globalement, à la boîte. Nulard. Oh, vraiment l'arrêt nul. Donc à votre avis, notre génie. Non, encore une fois, c'est des ricains. Les ricains, je pense pas qu'ils aient ce réflexe du kebab comme on peut l'avoir. Ah non, ils l'ont pas comme nous, je pense. Mais... Tu prendras un kebab, toi, Brice, burger, tu vois. En dernier quoi repas. Tu prendras un kebab, toi, Brice, en dernier repas. Non, je prendrai une boule de mozza. Hein. Et une tomate, pas coupée. Une tomate, oui. Avec un peu d'huile d'olive, quand même. Ah non, jamais, t'as pas ce bon. Ah non, du sel, juste, ça va ou quoi. Il est fou, quoi, ce mec. C'est des grands fous. Ouais. Ah, mais c'était le repas de Brice quand on était en école sup. Ah bah écoute. Il est arrivé avec une mozza, une tomate, c'est terminé. Non. Mais il y avait deux boîtes, deux tupperwares. Il y en avait une où il y avait ça et l'autre où il y avait le vrai repas chaud. Non, il y avait des pâtes blanches, sans rien. Ça reste solide. Un repas. Putain, mais Brice, c'est même plus une diète là, c'est terrible. Et bah, moi j'avais mon repas. Ah, Brice, il était condamné à mort tous les jours donc. Vraiment. Et à chaque fois, il a survécu, putain. Non, mais il était que en matière première, quoi. C'était une folie. Mais d'ailleurs, il mangeait sa viande crue, hein, faut le savoir. Bah ouais. Encore aujourd'hui. Bon, notre ami Timothy, on est sur un retour sur un bec sucré là. Bah, c'était de la glace. Voilà, c'était de la glace. Pardon. Il se renouvelle pas les morts. Avec des pépites de chocolat. Ça, par contre, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Steven Woods, condamné à mort pour avoir assassiné un dealer et sa femme. Lui, il s'est fait plaisir. Bien sûr, quelqu'un qui s'est fait plaisir. Un truc de la viande hyper chère. Ouais, voilà. Là, pour reciter les trucs qu'on a dit, il y a du burger, il y a de la glace. Il y a d'autres trucs là. Est-ce qu'il s'est pris vraiment un festin, genre? Franchement, il s'est fait un festin et l'anecdote, c'est qu'il n'a touché à rien. Une dinde. Pourquoi? Parce que par esprit de faire chier, je pense. Ah non, oui, tu sais, un peu dinde Thanksgiving, genre. Ouais, une dinde entière. Envie. Deux poulets rôtis, donc il y a moyen que ce soit un petit peu la traduction au fil de l'histoire. qui nous a francisé le truc, mais deux poulets rôtis. Donc, du coup, il y avait Omar. Non, pas de Omar. On les embrasse. Il y avait des gombos frits, mais je sais pas ce que c'est. Il y a quoi ? Des gombos frits, je sais pas ce que c'est. Alors là, je peux pas vous dire. Je cherche gombo? Ça sur. C'est des espèces de beignets, bref. D'accord. Il a rien touché. Il a rien touché. Des gombos, c'est des. Il y avait c'est des un légumes, couscous. Il y a pas de couscous. Oh putain. On est après, je vous ai donné un peu une DA quand même, hein, entre. Ah bah, burger. Bah en fait c'est que des trucs de ricains encore une fois. Bah, alors, ouais, le poulet rôti, les frites, le burger, la sauce. Y a quoi d'autre de très ricain? Attends, j'ai pas de. Bon, bah on l'a dit. Bah hein. Les entrecôtes, les gros steaks. Un bon barbecue, ouais voilà. Ouais, les gros trucs de barbecue, ouais. Les brisket, du pastrami, trucs à con. Enfin, qui sont très bons, attention. Hein. Attention. On les embrasse, hein. On les embrasse tous. Tous. Enfin, pas tous, attention. Donc après les combos frits, il s'est bouffé. Il a commandé 3 faritas, une pizza à la viande, donc un demi-litre de glace comme on a dit, ah, putain, et un nougat au caramel enrobé de beurre de cacahuète. Donc là même le stéroïde pour faire chier le mec. Rien putain, mais... tout ça, en fait. Peut-être qu'il a mangé que le dernier truc quoi. Et qu'il est foutu dans le cul. Même pas. Nougat. Oh, touré de quoi beurre de cacahuète. Hop là, direct. C'était juste ce que t'as envie de faire avec. Allez, on continue. Le prochain mort, pardon. Et on finit par Ricky Ray Rector, RRR. Il a été accusé de 2 meurtres. Sympa. Et, accusé, hein, pas condamné. Ah bah, je pense bien condamné quand même. S'il a fini sur la chaise électrique. Ah, on sait pas. On n'est pas sûr, on va vous. C'est un truc particulier ce qu'il a demandé? Non, c'est pas spécialement particulier, on est encore sur les trucs de ricains, donc monsieur, s'il y a une petite anecdote après. Ah, et on l'a déjà dit ou pas? Vous l'avez dit quand vous avez un peu cité les trucs de ricains, genre à la fin. Le barbecue, l'entrecôte, le steak. Ouais, c'est ça, un steak, un poulet frit et un soda américain goût cerise. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait tout ça? Kiffer quoi, kiffer. Et avec tout ça, il s'est fini sur une petite part de tarte aux noix de pécan, mais il l'a laissé sur le côté de son plateau en expliquant aux agents qu'il se la gardait pour plus tard. Logique. Et du coup, les gardes, ils ont été vachement sympas parce qu'ils l'ont jeté que quand il est mort, après. Bah, en même temps, imagine, il meurt pas, elle est où ma tarte et tout. Ouais, quel enfer. Aux États-Unis, tu peux faire des procès pour rien en plus, ça aurait coûté bonbon. Bah, vous avez déjà vu cette histoire? D'un condamné à mort qui avait fait une crise cardiaque, il a pas respiré pendant genre 20 secondes, je sais pas, enfin un délai qui fait qu'on peut dire qu'il est mort. Et il avait dit, en fait, ma peine s'arrête là, j'étais condamné à mort. Ils ont fait non. Ça marche pas comme ça, attention. On y retourne. On va te buter une deuxième fois. T'as quand même le mec essaie d'avoir 15 cardiaque. Depuis 10 ans, il essayait de se tuer un petit peu et de ressusciter. Et il en fait non, mais en fait, t'aurais dû demander, ça marche pas comme ça. C'est vrai que j'ai de demander à ton avocat. Kylian, est-ce que tu veux enchaîner sur une deuxième actu vu que Brice est absent pour l'instant? Juste, il y a Brice qui est pas là pendant. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez vu. Exactement. Okay, alors, je vais vous dire ça de suite. Qu'est-ce que je peux enchaîner? Sinon, moi, je vous propose un jeu. On imite Brice pendant 10 minutes. Bah vas-y. Ça peut être vite très long. Alors moi, les gars, je prends des tomates et de la mozzarella. Est-ce pas mal? Mais il est revenu. Non, j'en ai un. J'en ai un. Je suis Brice et je vais faire du bateau 3 jours par semaine. Oh, c'est mon travail. Il y en a un jour, c'était du pédalo par contre, donc c'est pas vrai. Oh, ça fait, c'est du sport. Hein. Faut pédaler et tout. Attends, Julien. Moi, je sais pas faire. J'ai pas de phrase. Attends, mais vous m'avez pris du coup. Tu peux être désagréable avec les gens, donc. Oui, voilà. Attends, non, mais je vais parler. J'ai une petite actu vite fait. Vas-y, enchaîne. On reste sur le juridique. Donc, un petit arrêt du Conseil d'État sur la discipline des gendarmes. Le Conseil d'État valide la sanction de 20 jours d'arrêt infligée à un lieutenant de gendarmerie pour avoir donné une tape à l'arrière de la tête d'un gendarme et utilisé plusieurs fois l'accent créole pour s'adresser à certains de ses subordonnés. Mais voilà. Wesh. Petit arrêt un peu qui fait. L'accent créole. C'est-à-dire qu'il a fait le pire accent, quoi. Ouais. Michel Leb. Fait... Oui, c'est Michel Leb. Bah, Michel M est devenu gendarme depuis, donc... Putain, si Ryan était là, il l'aurait imité à la perfection. Ouais, parce qu'il est très fort. Quand il essaie d'imiter l'accent grec aussi... Ah, alors les loups... Alors les loups... C'est vraiment ça, il fait Nikos. Il n'y arrive que très peu, finalement. Ah, mais ça, ouais, ah, c'était quand même fort. Nikos, les loups. Ça va, fils. Par contre, en vrai, je suis choqué que ce soit que 20 jours, je suis un peu choqué. 20 jours, c'est un peu abusé, non, ouais. C'est juste une sanction, mais c'est fou, hein. C'est de la sanction. Interne, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, à la limite, tu vois, c'est dans un cercle très privé et tu fais genre la blague entre vous et c'est juste pour une blague. Encore, je trouve ça un peu limite, oui, mais bon. Ça, c'est, ça s'appelle des être potes, quoi. Enfin, genre, ça, ouais, c'est ça, c'est, voilà. C'est, dans une, balancé, c'est dans un tu cercle privé, pas en, et voilà. En cours, Là, c'est ton collègue qui te frappe. Là, voilà, là, c'est littéralement. C'est horrible. Là, c'est littéralement infâme. Mais oui, de toute façon, surtout que le mec est flic. C'est une. Gendarme. Au pire, ça. Gendarme, pardon. Pas ça qui m'étonne le plus de la part d'un flic, honnêtement. Non, mais. Oui, non. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que. Enfin, t'es censé quand même représenter. Avoir une bonne image, tu vois. En, oui. En temps normal, évidemment. Puis t'es censé aussi te soutenir entre collègues, quoi. Le oui, en plus. Facile, bah oui, t'es pas censé balancer tes collègues, quoi. Sauf s'ils font des dingues, du coup. Bah, du coup, ouais. Oui, et puis, voilà. Sanction interne, attaquer quand même. Le mec a eu le culot de dire bah non, c'est normal ce que Je vois pas le problème. Il est créole, je n'y peux rien. Monsieur le juge, est-ce que vous voyez du sang sur mes mains? Je crois pas, je suis dans mon voilà. Droit. Vous avez des preuves? Alors, d'accord, il y a un enregistrement de moi, d'accord. Mais à part ça, j'y vis très bien, vous trouvez pas? Je suis fort. Il paraît qu'il le fait bien. En vrai, vous pouvez réduire ma peine, je l'imite super bien. Attendez, je peux le refaire. Écoutez. Je sais en faire d'autres. Hein. Il n'y a pas de chinois dans la brigade, mais je l'aurais fait. Hein. Ah, si vous voulez en recruter un, moi, vous savez, je suis ouvert. Putain, quel scandale. Bon, bah, Julien, Antonin, t'as des actus ou pas du tout Non, moi, on m'a dit que je suis invité, je prépare pas. Ouais, je lui ai dit que c'était les pieds sous la table. Ah, moi, je suis venu pied sous la table, je suis un homme heureux. T'es venu deliver, faire... t'es venu slay, bah, tout simplement. Exactement. Mais alors, si Antonin devient Lucas et que Lucas devient Antonin, je me rappelle, peut-être que je préparais des choses. Le lore. Ultime. C'est vrai, on verra. Là, c'est ta période d'essai, hein, finalement. C'est ça. En fait, on peut très bien avec Lucas devenir Gogeta, tu vois. Ah, mais c'est vrai, ouais, les invités exceptionnels. Lucas sera tous les jours présent, donc. Oui, Lucas, justement, il peut m'incarner, tu vois, et je deviens Lucas. C'est vrai. Mais c'est méta, mais. Mais du coup, ouais, je disais, genre là, Brice, il revient, on fait une petite actu à Brice et les recos. Mais là, j'en ai une petite, pas très dure. Allez, ah. En attendant Brice. Tout simplement, une question en Allemagne. Un athlète a été banni d'un resto. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Est-ce que c'était un restaurant volonté. Tu as trouvé la faille. Il a trop bouffé, en effet. C'était un triathlète. Mais non. Et le mec a enculé le resto. Je vais lire l'article de suite pour voir le body count. Est-ce qu'on peut avoir la précision de quel type de resto c'est? C'est un resto de sushi. Voilà, comme par hasard. J'allais dire, c'est soit chinois, soit des sushis. Voilà, il y a quelques jours, en Allemagne, un triathlète a été banni d'un restaurant asiatique à volonté. L'homme aurait en effet englouti l'équivalent de 100 assiettes de sushi, le menu à volonté étant à 15,90€. Il les a ruinés. 100 assiettes. Mais comment tu fais pour bouffer tout ça? Là, il y a la citation du propriétaire, je ne ferai pas l'accent. Il a mangé pour 5 personnes, ce n'est pas normal. Mais wesh. Après, j'avoue, sans, enfin, en vrai, une bonne trentaine, ça se fait déjà. Ouais, mais une centaine, faut aller les chercher. Hein. Jérémy à côté, pardon, il va pas aller chercher, je te le dis. Hein. Pardon, je sors des takes de ma vie privée, mais en vrai, 30... Après, on connaît nos capacités, on est allé au grand buffet. Ouais. On sait qu'on est solide, quoi. Faudrait qu'on le refasse, d'ailleurs. Bon, après, c'est cher. Hein. J'ai entendu que c'était à la fois... On a fait une vidéo, nous, dessus, mais enfin, tu sais, c'est quelqu'un qu'on connaît qui y est allé. Ouais. Et il a dit que c'était très bien, mais j'ai entendu comme quoi c'était vraiment genre... Enfin... Maintenant, c'est vraiment surcoté et ils en profitent, quoi. Bah, moi j'ai trouvé ça un super, peu petit, mais cher. L'endroit, genre, je m'attendais à un truc beaucoup plus grand, mais okay. En termes de buffet et tout. Mais par contre, tu bouffes bien, sans déconner. Ouais, c'est okay. Exceptionnel. J'ai pris 4 entrecôtes. Waouh. J'ai pris une à chaque cuisson. Des nouilles, Des moules à l'aioli gratinées, délicieux. Attends, comment tu peux sortir des nouilles en pensant aux moules? Ouais, pff, écoute, tu... Il y a juste faim, là. Parce que j'ai la dalle de ouf. C'est honnête. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de la daube de sanglier qui est délicieuse. Alors moi, je mange pas de foie gras, mais je sais que Julien, enfin tout le monde s'est un peu régalé autour de... Ah, c'était ouf, le foie gras. Autour de la table. Noémie mange pas de foie gras, mais elle a pris beaucoup elle de fromage. Elle a pris du foie gras. Non, elle a pris beaucoup de fromage, donc... Ah, le fromage, c'est une folie aussi. Elle est sur ça. Et après, ouais, t'as plein de trucs. Enfin, franchement, c'est pas mal. 62 euros, on avait payé, je sais plus. Ouais, 62, 65. Je crois que c'est moins cher le midi, il faudrait qu'on ait un midi. Vous venez à Montpellier avant et... Tu vous emmerdes avec Montpellier. Pour boire de l'eau, juste comme ça. Du coup, je continue... Ah oui, ainsi le patron a d'abord essayé en vain de dissuader Jaroslav Bobrovski de se resservir en ordonnant au serveur de ne plus débarrasser sa table. Face à l'échec de sa tentative, des mesures radicales ont finalement été prises. Ils ont appelé la police. Jaroslav Bobrovski. Vraiment. Il a affirmé qu'il suivra un régime spécial selon lequel il ne mange pas pendant une vingtaine d'heures, puis mange jusqu'à être complètement plein. Il a dû les massacrer, l'enfoiré. Ah, putain. Déjà, quel régime de merde. Tu te bousilles la santé d'une puissance. Ah, attention, on n'a pas dit que le mec devait être en bonne santé à la fin. Il devait juste s'enculer sans sushi. C'est vrai. Sans assiette de sushi. Ça reste très précis. Ah non, ouais, par contre, c'est vrai que moi, je parlais de 30 sushi. Attends, ah ouais, c'est pour ça. Non, en fait, ouais, c'est sans assiette. Oh. Bande d'enculés. Oui, c'est pas un sushi par assiette. Oui, c'est vrai, c'est encore une précision. Mais attends, mais ça veut dire que genre... T'en mets bien 10 de sushis dans l'assiette, au moins. Non, en vrai, je crois que en temps normal, une assiette, c'est 2. Ah, ouais, tu pars du principe que c'est les assiettes de 2 sushis classiques. Il a mangé pour 5, il dit. Sinon, il aurait mangé pour 20, quoi. Enfin... Ah ouais, ok, non, ouais, ok, on parle. Ouais, c'est pas lui qui se servait les sushis, en fait. C'est, il prenait, non, je pense que c'était un resto à la menu B12, machin, quoi. Ouais, ok. C'est pour ça qu'il débarrassait plus ses assiettes, en fait. C'est quoi, il faisait que commander, et après, il l'insultait, je pense. Putain, c'est un enfer. Et en partant, il a voulu laisser un pourboire, mais le serveur ne l'a pas accepté en lui indiquant qu'il n'était plus le bienvenu dans l'établissement. Parce que vraiment, je pense que ils lui ont jeté les sushis à la gueule, quoi, à la fin, quoi. Ils en pouvaient plus de sa gueule. Le cuistot, moi je pense au cuistot qui est en mode putain, mais il commence à me faire chier. C'est exceptionnel. Parce que l'histoire, c'était que le mec partait jamais. Il a trop bouffé. Sans assiette. Oh putain. Ouais. Ouah. Et le propriétaire lui a dit « Cher monsieur Jaroslav, nous sommes sincèrement désolés d'avoir dû vous bannir de notre établissement, vu que vous mangez toujours pour 4 ou 5 personnes, donc ça veut dire qu'il ne l'a pas fait qu'une fois, cet enculé. » J'imagine quand il revient à chaque fois et qu'ils font la tête. Ils savent que la journée, elle est nickel. Mal servi, il lui jette l'assiette sur la gueule. Bon, Brice, t'as petite actu pour enchaîner, Brice ? Et après, on fait la recours. Ouais, alors moi, j'ai des petites actus croustillantes, comme ça, des petits trucs à grignoter, quoi. Des petits bonbons. Voilà. Il y en a une qui concerne la restauration. On est tous toulonnais, ici, à un moment donné. C'est vrai. C'est juste là. Il y a ce Montfaron à Toulon. Il y a ce Montfaron, souvenez-vous, cette montagne. Ça, oui. Et il y a un restaurant en haut. Et ça fait des années que c'est ouvert, et j'y ai jamais mangé personnellement, mais je me disais, c'est un truc solide, tu vois, ils sont là-haut, tranquille, c'est carré. Écoute-moi bien, Brice, c'est nul à chier. Eh ben, Dieu merci, parce que le préfet du Var l'a fermé. Ah non ? Voilà, accompagné par la police nationale, bien sûr, hein, pour de nombreux manquements et un risque grave pour la santé publique. Ils étaient déjà venus la première fois, mais ils avaient dit « Ok, vous savez, à chaque fois, c'est, on va s'améliorer, on va faire mieux et tout. » Et là, non... Alors, je vais vous lire. Date limite de consommation dépassée, utilisation d'ustensiles et de matériel sale et souillé. Oh. Quoi d'autre ? Le de commandant quoi faire Laurent. Un bon épisode de Cauchemar en cuisine. Un très très bon. Le Ou commandant. Food lovers. Food nightmare. Food hater. Food hater. Oh oui. Oh oui. Tu vas lancer le compte. Oh putain, allons-y. Le commandant Laurent interroge notamment une responsable sur les traces blanches présentes sur les pommes de terre. Et la personne lui répond « Non, ne les touchez pas. » Ah oui, d'accord. Ouais. Donc ils étaient au courant, tu vois, ils étaient... C'est de la coke. La coke des pizzas du restaurant de ouais, Genève. Et du coup, ben voilà. La prise de température dans le frigo indiquait 27 degrés. Un peu chaud. Mais ils sont fous. Vous êtes allé y manger avec Food Lover ? Non, mais alors justement, en fait, on a fait une vidéo avec un gros média parisien. Combien Frontière, hélas. Pour ceux qui connaissent. Non, et en fait, la patronne du Guide Ultime ne connaissait pas du tout la ville, et donc du coup, on lui a fait visiter un peu, et on est allé en haut du Mont-Faron. Elle fait, ah mais putain, il y a un resto là, trop bien, il doit être trop bon. Et mon patron lui a dit, mais littéralement, le pire resto toulonnais. Il a dit ça, mot pour mot. Putain, la répute. Et t'as un deuxième resto un peu plus loin, et franchement, il l'a pas dit, mais je l'ai vite compris, genre deuxième pire resto de Toulon, quoi. Ah ouais. Alors après, les mecs, ils ont des spots de fous furieux et ils font de la merde. Et ils avaient quand même 3,6 étoiles sur Maps. C'est quand même pas mal pour tout ce que je vous ai cité. Ouais, pour c'est bien payé. Ça a l'air à bien. Après, franchement, 3,6 étoiles, je vais pas. Il y a des gens qui lâchaient des 5 étoiles, donc je me demande s'ils ont un palais de Doberman ou... Est-ce que tu peux nous lire quelques critiques, une étoile par exemple? Bah, moi j'ai lu les avis et en fait les gens se plaignent que du service et de trucs du style et plus de nourriture, service lent, j'ai attendu une heure. J'ai pas vraiment de dégueulasse. J'ai un avis qui dit on est mieux accueilli dans une prison. Voilà. Sympa. Voilà. Mais les gens se plaignent beaucoup plus du service ou du restaurant que de la cuisine. Quoi. Est-ce quoi comme type de resto? C'était un restaurant classique, il y avait pas trop de thèmes, je crois. C'est dégueu quoi. Pas dangereux. Burger, les trucs à la ouais, voilà, les classiques, ouais, voilà. En même temps, je pense que qu'importe le concept, quand t'avais ce genre d'emplacement, t'avais des gens qui venaient quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, t'es au du pharaon, c'est trop tard. C'est ça, t'es tout seul en plus. Ou alors, comme il disait, le prochain, il est encore plus loin, donc il faut marcher. Ou voilà. Voilà. Petite news comme ça, voilà, si un jour. Je m'en vais un peu. Je reste encore sur les avis Google, pardon, mais malheureusement, ça n'existe plus. Mais sachez-le, à un moment, il était possible de mettre des avis Google sur les commissariats. Et les gens laissaient des avis de ouf en mode. Ouais, nuit d'hôtel pas terrible. Ah ouais. Service pas accueillant. Non, et genre vraiment, mais pareil, je me tapais des soirées des fois à juste taper genre commissariat de Toulon et regarder les avis dessus. Et je me tapais des barres. Les gens, ils sont trop drôles. Vous souvenez de cette vidéo enlevé, malheureusement. Où un mec se fait arrêter, il est dans la camionnette menottée. Ah oui. Et il y a la caméra et le policier, au début, le mec les insulte et tout. Et le policier lui demande, vous pensez quoi des services publics devant la caméra? Et le mec, là, il prend un ton hyper calme, il fait, très, très, très bien. Oui. Je suis bien traité. Je l'ai pas vu, ça. On essaiera de te la retrouver. Ouais, elle est vraiment forte. C'est récent, ce truc? Oh non, c'est peut-être 10 ans, je sais pas, 8 ans. Ah, je l'ai peut-être oublié. Je vais te la renvoyer pour que tu puisses avoir la ref. Je suis en train de regarder, mais effectivement, il y a tous les commissariats, etc. Tu peux plus mettre d'avis Google dessus. Putain, la censure. Mais c'est très... Alors que ça pourrait être utile. Genre, le policier m'a mal accueilli, n'a pas bien pris ma plainte, et ben tu vas dans un autre, tu vois. Ça pourrait être utile. Surtout, il y a une affaire horrible, là, où on a appris que les meufs qui déposaient plainte pour viol se faisaient violer par des policiers. Donc, je pense... Un petit avis Google, par exemple. Ouais. Par contre, il faudrait qu'il y ait de la modération. Le mec, il est juste deg d'avoir passé 24 heures en garde à vue. Bon, ben, bon, voilà. Après... Après, les avis... Bon. Nique la police, quoi. Donc... Oui, non, bah oui, mais s'il est deg de juste avoir dormi par terre, on n'y peut rien, quoi. Enfin, bon. On peut pas y faire grand-chose, surtout, quoi. Malheureusement. Non, mais ouais. Je savais même pas qu'on pouvait pas laisser d'avis. Bah c'est depuis peu, parce que justement, en fait, les avis Google, c'était que des gens qui mettaient de la merde. Mais vraiment, je vous jure, si vous trouvez un moyen, je ne sais pas, que ce soit nous ou même les il y a peut-être un Twitos qui a fait un trade. Avec des captures d'écran. Petite Wayback Machine. Ah, c'est vrai. Non, mais je pense que tu vas sur Twitter, tu mets... Enfin, X, pardon. Oui, ouais, je pense. Tu mets avis Google commissariat, tu trouves des masterclass. Hein. Oui, je pense. Mais voilà. D'accord. Bah, très cool. Brice, t'en as une petite dernière ou c'était tout ce que tu avais? Non, c'est moins fun les autres. Je l'avais, voilà. Ok. Tu gardes pour le prochain épisode. Tu te réserves. Je me préserve. Magnifique. Ok, bah, on va conclure doucement. On va passer aux recommandations. Cette semaine, je vous ai demandé, car nous recevons un lover de food, un food lover tout simplement. Ah, exactement. J'essaye de trouver des synonymes, j'ai aucune imagination. C'est pas un food de lover. Pas un food lover, oui. Un ça, c'est food moi. Lover, c'est pas pareil. Moi, ça, c'est moi qui est fan, moi, qui est fan de Francky Vincent. Aussi, le reste. Je suis un food lover. C'était un rêve à réaliser, putain. Oh là là. Même c'est vrai, on se rejoint. On est Francky Vincent, le restaurant, finalement. C'est mais oui, c'est magnifique. Ça. Bah, ouvrir un restaurant de merde. Aussi, avec. Ça, par contre. Mais Club Musée qui était sérieux. Je le rappelle. J'ose le rappeler. Il y a eu une suite à cette chanson, c'est ça que j'ai vu il y a pas longtemps. Comment ça? Où il y a eu un. Personne n'a prévu. Non, pas une. Mais il y a quelqu'un qui en a fait. Oh, je sais pas. Oui, putain, ça me parle. Il y a eu un truc avec cette chanson encore. Il y en avait une deuxième ou je sais pas quoi. Ouais. Ou... J'ai retrouvé. Il y a eu un truc comme ça. Quoi? Oui, oui, j'ai entendu. Ça m'a fait penser à toi, justement. Ça m'a fait rire. Mais elle a 10... en plus, elle a 10 ans la chanson. Enfin, oui, oui. 15 ans maintenant. Mais en fait, quoi. C'est que ça a rebuzzé il y a pas longtemps parce que les gens connaissaient pas, je crois. Et du coup, déjà, il y a le truc derrière. Le floodcast où l'on fait chanter par une meuf de l'opéra, déjà. Oui, et ça, c'est exceptionnel. Ce qui était une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie, je pense, sur Instagram. Mais, bien sûr. J'étais dégoûté de ne pas y être allé ce jour-là. Ah, ouais, moi aussi. Je me suis dit, j'ai raté quelque chose de grand. Oui, en plus, toi, tu étais à la dernière des dernières. La dernière des dernières, j'étais le dimanche. Avec Thomas Pesquet. C'est bien. Non, Thomas Pesquet, c'était le vendredi, ah, justement. Autant pour moi. Non, moi, j'ai en très connu, du coup, j'ai ah oui, toi, t'avais tous les acteurs guest, et tout. J'ai eu Géraldine Nakache et... Oh putain, à chaque fois, j'oublie son nom. Vincent Dedienne. Grand... Merci. Exactement. Et après, en guest, on a eu qui ? On a eu Jonathan Cohen, on a eu Pierre Ninet, on a eu Benjamin Tranier, Aurel San. Ah, c'est solide. Ouais, franchement, ouais, c'est très, très, très, très solide. Et j'en oublie plein. Pour une soirée, voir tous ces gens, franchement, c'est pas mal. Et vraiment, Aurel San, je vous jure, l'intervention, c'est... Il arrive à la fin. Il dit, ouais, pour la fin du podcast, j'ai fait une chanson. Et il y a vraiment Adrien Millet qui répond, on s'en bat les couilles. Fin de l'intervention. Voilà. C'est bon. Le mec est venu exprès de Caen, sur Paris, pour se prendre un on s'en bat les couilles. Et il a pas dit, ah, c'est marrant. Non. Dommage. C'était vraiment pas drôle. Hein. Et après, il a salué la foule et il est parti. Le boss. Le boss. Littéralement le boss. Donc voilà, vous avez le... Du coup, oui. Il y avait plein d'autres mondes. Les recommandations, donc, oui. On est avec un food lover et des food lovers. Quelque chose autour de la bouffe, tout simplement. Donc, qui veut ouvrir le bal ? Bah, honneur aux invités. Allez, bah ouais. Honneur, mais alors, honneur à l'expert. Coup, un truc autour de la bouffe, du coup, je suppose genre des restos ou des trucs comme ça ? Ce que tu peu veux. Importe. Ce que tu veux. Alors, en fait, le truc, c'est que j'aurais bien aimé limite recommander, genre, à chacun de. Enfin. Sur chaque zone géographique, oh. Tu vois, de oh. Nous, ça peut être sympa. Mais juste, j'aurais pas en Allemagne. Mais moi, j'en ai en Allemagne, si vous voulez, au pire. Ah, bah voilà, on fait comme ça. Alors, du coup, alors pour Toulon, qu'est-ce que je vais recommander ? Si, à Toulon, si vous passez par Toulon, je vous recommande le petit resto qui s'appelle Thai Sabai, exceptionnel. Comment t'écris ça ? T-H-A-I, et plus loin, S-A-B-A-I. Ok. Quoi, gros, t'as dit un... plus loin ? Ah ouais, il y a deux. Non, mots. Mais parce qu'après je l'ai trouvé. Salaud. Après je l'ai retrouvé après. Mais non, mais parce qu'après. C'est long. Ah ouais. C'est un... Ah ouais. Non, mais la recherche était complète après. Ouais. C'est un petit resto thaïlandais. C'est une meuf qui tient ça toute seule. Et elle est super forte. C'est super bon et elle est adorable. Et y a quoi un peu Y a quoi un peu comme Bah c'est que du thaï, donc bah, c'est fou. Pas de quatre, enfin des curry vert, curry rouge, tu vois, des trucs comme thai, ça. Des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Stylé, stylé. Donc très cool. Sinon, du coup, à Marseille, qu'est-ce que je pourrais recommander à Marseille ? Si, le pizzeria, enfin la pizzeria d'Amario, pardon. Tribeca d'Amario. Déjà fait. Allez. Exceptionnel, on tu est d'accord. Valides, bien sûr. Bien sûr, très très bonne voilà. Pizza. Une des meilleures, franchement, la meilleure pizzeria de Marseille. Allez-y, c'est exceptionnel. Mais attention, pas de cocaïne. Pas de cocaïne. Non, oui, en plus, c'est, je le connais, c'est un copain, il touche pas à ça. Oh là. Petite déception. Contre, il aime le jean. Le vêtement. Le vêtement, évidemment. Le bleu jean. Ça va, c'est un ou deux cocktails, c'est OK. À Montpellier, je peux recommander une adresse aussi. Oh là là. Ah, je t'écoute. Je vais te recommander le brunch Bonobo. Ah, mais attention, on parle hein. Souvent. Eh ben, écoute, c'est exceptionnel. Ils sont dans le centre de Montpellier et au Hall du Lez. Ouais, ouais, bien sûr. Et très, très bon, franchement. Et les patrons sont très, très, très gentils. Le personnel aussi, c'est des bibous d'amour. Bah, écoute, je note, franchement, on j'ai, l'a pas j'ai testé encore. D'amour, j'ai envie de me foutre une balle. Non, mais c'est des on bibous le fera pour toi, t'inquiète. Tu prendras un dernier repas de condamné, ça t'écoute ? Ouais, par contre. Et après, bah, pour l'Allemagne, à la limite, allez, à la place, je recommande sur Paris. Ouais. Comme ça, oui, tu vois, bah ça fait, respecte pas le concept, vas-y, on t'écoute. Oui, bah ça va, il comme Paris, ça. Ouais. Non, il y a Lucas un... est à Paris. Hein. Ah, t'es à Paris. Lucas ouais, est à Paris. Ah, c'est vrai que t'es à Paris, Antonin, pardon, j'avais pas. En plus, bientôt, on va dire ça. Bientôt. Mais ouais, à Paris, je vais vous recommander les restaurants de la Bao Family, c'est exceptionnel. Et en plus, il y en a un à Marseille aussi. C'est des restaurants chinois immenses et tout est exceptionnel là-bas. C'est pas cher en plus, c'est trop bon. Voilà. Alors que t'aurais pu, alors que t'aurais pu recommander 30-30 Zai à Paris, mais bon, je vois que t'es pas un homme. Ouais, aussi, mais c'est exceptionnel. J'ai fait une vidéo là-bas. Hein. Bah, c'est incroyable, c'est le meilleur resto de Paris. Hein, ah, c'est un des meilleurs restaurants chinois de la capitale. Toi qui as fait tous les restos de Paris, Kylian. Non, mais je pense que vraiment celui-là, c'est vraiment. Non, ça incroyable. Mérite sa place, je suis d'accord, ça mérite sa place. Incroyable. Et Julien, je te laisse du coup. Oui, moi. Si vous passez du côté de Stuttgart, Stuttgart City, moi, comme je l'appelle, Stuttgart Label. Ton terre-terre. Exactement, mon hood pour encore quelques temps. Si vous passez au musée du cochon, qui est quand même assez extraordinaire, où c'est globalement juste une meuf qui a collectionné énormément de petits items de cochon, enfin genre n'importe quoi relié au cochon, des peluches, des figurines. J'y suis allé. Il y a à manger ou pas du cochon à un moment donné? Mais justement, c'est qu'il y a un restaurant en fait au truc, et en fait le restaurant éteint le musée globalement, parce que c'est un restaurant spécialité de cochon extraordinaire. Quoi. C'est très très bon, j'ai mangé un cordon bleu de cochon. Oh. Le truc faisait 8 kilos, je pense. Quoi. Enfin, vraiment, c'était... Et tu l'as mangé en 7 minutes, comme Jérémy qu'on embrasse. Moins de 7 minutes, attention. Ouais, oui. Je l'ai tué. Non, mais ouais. Jérémy ? Oui. Ah. C'est fait à partir de... non, mais ouais, très très bon resto. T'avais des trucs de fou, de cochon. Que j'avais pas la traduction des mots, mais ça avait l'air... Je regardais les autres tables, ça avait l'air assez salaud. Sympa. Ok. Ouais. Mais ouais, très très bon resto. Musée gratuit ? Non, le musée est payant, mais c'est pas très cher. En gros, c'est dans une maison, et ouais, t'as tous les items de cette meuf, et en gros, elle est décédée il y a pas très longtemps, et après, il y a une salle à l'étage, qui est une espèce de, quasiment de mausolée à sa gloire, où il raconte un peu sa vie et l'histoire du musée, et après, t'as toutes les autres pièces, où c'est que des trucs de cochon, genre t'as des peluches, des horloges, des mugs, t'as une section où c'est un petit placard un peu secret, où c'est que des cochons qui baisent, à poil et tout. Super. Hein. Donc... Et tu sais, des cochons un peu de cartoon et tout, quoi. Mais t'as des trucs... D'accord. Je vois les trucs que tu retrouves sur les horloges de chez les beaufs, quoi. Ou je sais pas quoi. Mais c'est sympa. Ou des tirelires de fou. Enfin, voilà, il y a tout sur le cochon, quoi, en gros. C'est ok. Assez dingue comme musée. Putain, incroyable. Et devant, il y a un espèce d'immense cochon où il y a un bus cochon aussi. Quand tu passes dans la rue, tu le rates pas. Clairement, ouais. Puis c'est juste à côté d'un arrêt de métro, donc ça se voit assez... Assez bien quand tu passes dans la ville. Putain. D'accord. Ouais, très très bon musée, très très bon resto, voilà. J'ai très envie d'y aller, merde, putain. Ben, si tu vas, moi je me souviens d'un très bon resto à Stuttgart, les banh mi, Julien, c'était incroyable. C'était extraordinaire. J'y suis retourné cet été-là. Ah, oh, la chance. Extraordinaire. Mais d'ailleurs, ouais, j'y pensais quand. Ce que je voulais vous poser la question, ce serait quoi votre repas de condamné finalement? C'était la question évidente de ce podcast et bon, je ne l'ai pas posée. Moi, je pense que le. Est-ce que tu veux qu'on finisse les reco et après on répond à ça? Ouais, je pense qu'on va faire ça, mais je pense que. Ok. Le banh mi, ouais, qu'on a mangé chez Banh Mi and Bubbles, si vous passez à Stuttgart aussi, assez extraordinaire. On n'a pas du tout goûté au bubble, mais le banh mi. Bah, le bubble, c'était le cocktail. C'était le bubble tea. Ah, il y a peut-être du champagne aussi. Mais... Okay. Mais voilà, c'était mes recommandations de resto. Et si vous voulez, je peux enchaîner sur une autre reco. J'ai découvert, j'en ai parlé à Kylian, le chili crisp oil. Ah, mais incroyable. C'est le meilleur condiment de ma vie, je pense. J'ai découvert chose. C'est un petit pot avec... je pense que c'est dans des rayons asiatiques des magasins. Je sais pas trop si ouais, ça se trouve bien en France. Ouais, tu vas à Paris Sort ou Asie Pacifique. Un truc comme ouais, ça. Ouais, ouais, comme tu m'avais amené, ouais. Et ça, tu manges avec quoi? Bah, avec n'importe quoi. Moi, j'ai fait une salade de concombre, par exemple, et je mettais ça. Et en gros, c'est des noisettes, des piments avec. J'ai regardé comment ça se faisait et en fait ils versent de l'huile bouillante dessus et après ils laissent macérer quoi. Et en fait ça crée pas un truc forcément hyper gras quoi. Et genre quand tu prends que les cacahuètes machin et c'est que un truc infusé dans le piment mais c'est pas hyper fort en plus. Et c'est trop bon quoi. C'est ouais, vraiment addictif. Ouais, infusé, c'est un vrai condiment quoi. Tu utilises comme tout quoi. Et tu peux faire sur n'importe quoi. Moi c'était mes deux derniers jours où j'étais à Stuttgart donc j'ai juste fait des salades avec mais. Très très bon. Putain, les 12 heures d'accord. De trajet, ça a dû être quelque chose. Hein. Mais non, il a dit que c'était pas trop piquant. Ah ouais, ça va, mais non, j'ai eu un lendemain difficile. quand même. Il y a eu un jour où j'en ai abusé, quoi. Mais... J'ai faut le faire quand t'es safe, quoi. Ouais, voilà. Ok. Mais ouais, super condiment, et c'est un espèce de... Je pense que les gens voient, parce que c'est un espèce de pot rouge avec une chinoise dessus. J'ai envie d'en faire la vignette de cet épisode, tellement c'est la femme de mes rêves maintenant. Partons là-dessus. Et puis voilà. Qui veut enchaîner? Brice, qui, Brice, Brice Kylian, oui, c'est ça. Qui voit ça. Allez, ça vaut prénom. Effectivement, je crois que c'est ça. Bon, vas-y, Brice. Ben moi, pour nos auditeurs, on l'a fait ensemble. Déjà, je vais vous recommander d'aller au Grand Buffet. J'y pense au moins une fois par semaine depuis qu'on l'a fait. Ah ouais, voilà. On en a parlé hein, quand t'étais. Quand c'était quand pas t'étais là. Parti, ah mince, oups, le quiproquo. Non, mais justement, je t'en conjure. Vas-y. Voilà. Et sinon, en ce moment, moi, je me régale, c'est dans les restaurants péruviens et chiliens, mais qu'est-ce qu'on mange bien? Les gens, ils parlent que d'asiatique, de japonais, mais. C'est grave sous-côté. C'est sous-côté. Et je mange, j'adore ça, moi. Je suis totalement d'accord. Et bien, on a mangé des empanadas il y a quelques temps. C'est ça que j'allais dire. Et bien, c'est trop bien. Il y a plein d'autres choses. Tu vas chez le péruvien, tu manges des ceviches. Tu vas chez le chilien, tu manges tellement de bons plats. Enfin. Ouais, ça éteint les restaurants asiatiques. Ouais. Le ceviche, c'est vraiment le plat de poisson le plus sous-coté. Genre, c'était pas du tout connu et ça y est, maintenant il y a tous les restaurants méditerranéens qui s'y mettent aussi. Ceviche, c'est pas présent dans le sud. Ouais. C'est un genre de carpaccio de poisson. Mais non, c'est du poisson ça, mariné, mais il a cuit un peu dans le jus parce qu'il y a du citron. Ouais, il y a du citron, acide, ouais. Voilà, c'est ça et c'est super bon. Moi, j'en ai mangé un où il te sert ça avec des frites de patates douces et de manioc, mais c'est incroyable. Exceptionnel. Putain, on se donne faim là, c'est des heures. Je te jure, après ça marche pas. Putain, il est 20h30 là, on a une odeur. Allez, je fais Marocco et comme ça après on va tous bouffer. Parce que là je commence à avoir une dalle de fou malade. Du coup, moi Marocco, à Montpellier, il y a un autre resto, Antonin, pour le jour où tu viendras. qui s'appelle. Non, mais qui... Mais c'est le plus grand piège qui est en train de mettre en place. Non, pas où tu viendras chez moi, le jour où tu retournes à Montpellier. Oui, oui, oui. Ça s'appelle Tiger Noodle. Il y en a deux à Montpellier. Pareil, c'est une chaîne. C'est asiatique. Et en gros, c'est vraiment un peu le concept de 30 Tranzai. Donc, ils font. Okay. Alors, tout d'abord, en entrée, tu peux prendre des raviolis à la sichuanaise. Donc, ils sont délicieux. C'est vraiment des raviolis à la vapeur. Et dessus, ils mettent une sauce avec un peu pareil, piment, cacahuète et sauce soja. Un truc un peu pas mal. Et en plat, t'as plein de soupe froide, soupe chaude. Alors, je sais pas si nouilles sans bouillon, enfin, un truc comme ça. Et ils font soupe de nouilles et raviolis. Et c'est un banger, quoi. C'est incroyable. Et tu choisis ton niveau de piment aussi, et c'est pas mal. Ok. Voilà, et c'est quand en plein hiver, ça coûte pas très cher en plus, t'en as pour, je crois, 10-12 balles, mais c'est un truc de taré, quoi. Et t'as 500 millilitres de bouillon et t'as 500 grammes de nouilles, quoi. Oui, bon. Wow. Pour 12 balles, une pinte. Bah, t'as un plat de 1 kilo, quoi. Donc, 12 balles la pinte, voilà. Non, en vrai, ok. Non, mais voilà. Je connaissais pas. Incroyable. Bah, voilà, et les gars. Julien, tu veux qu'on fasse nos repas de dernier jour? Ouais, rapidement, si vous étiez condamné à mort demain. Moi, je pense, peut-être le petit banh mi de chez Banh Mi Bubbles, j'avoue que ça ferait bien kiffer. Non, un bon couscous. Un bon burger maison, moi. Ouais, Team burger. Franchement, il n'y a pas meilleur plat sur Terre, j'ai l'impression que le burger, je te régale. Et d'un établissement particulier ou un très bon burger, même fait maison, un truc bien, quoi. Tu fais toi-même une sauce mayo maison. Tu fais toi, Kylian, par exemple. Ouais, genre de burger un peu cuisiné, ouais. Non, franchement, c'est un truc de fou, les burgers, je trouve ça incroyable. Ah, mais élargissez la compo, quoi, parce que là, burger... Ouais, alors c'est demain là, vous allez crever demain. Donc, steak, du fromage, burger, combien de tout quoi dedans. Alors nous la dernière fois pour mon anniversaire, l'année d'avant, j'avais pris une scamorza fumée, j'avais coupé une grosse tranche bien épaisse, je l'avais panée, mis au air fryer et ça faisait le fromage, donc burger, fromage, enfin le steak, fromage. T'es un salaud toi. Oignon frit et après une sauce faite maison avec une genre de mayo à l'huile d'olive, parce que j'adore la mayo à l'huile d'olive, un peu d'ail et des épices dedans, style alors soit du curry, c'est une mayo curry qui est délicieuse, soit avec du persil, de l'ail, enfin un peu genre persillade, c'est délicieux. Pas mal. Putain, enfoiré. Voilà. Je vous ai laissé bouche bée, j'ai l'impression. Ah vraiment. Oh bah là, je vais aller faire ça après. Trop faim, là, et toi Brice, tu as juste dit steak et fromage pour l'instant, essaye de battre. Non, mais c'est ça, un très bon fromage, un très bon steak saignant, des très bons légumes. Non, enfin salade, tomate, voilà, une très bonne sauce. Je suis pas compliqué un burger, hein. Une bonne tranche de bacon. Un classique mais qui fait plaisir. Ah, tu vas mourir demain, mec. Pourquoi? Ouais, fais-toi kiffer. Non, mais c'est le repas. <de Kylian. rire> regarde celui de Kylian, il veut se tuer avec le burger. Donc ouais. C'est tout. Moi, je veux pas passer sur la chaise. Mais vraiment, j'aime tous les burgers. Je veux vraiment. Ok. J'aime quand c'est cru, j'aime quand c'est cuit. Ouais. Je veux quand c'est brûlé. J'aime périmé. Et toi, Jus? Ok. Ouais, moi j'ai dit un banh mi de ce resto-là. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vraiment ça? Bah, en fait, moi, les questions comme ça, j'avoue, c'est comme, tu sais, comme tu me dis, mon film préféré. Heureusement qu'il y a Letterboxd, maintenant j'ai pu fixer un top 4. Mais bon, avant, c'est à peu près. Ça changeait tous les jours, quoi. Donc, Bah, ça dépend, ouais. On a parlé de ça, ça m'a donné envie. De ce que t'as vu, quoi, voilà. Ouais, c'est ça. Là, à l'instant T, là, franchement, je pourrais tuer pour un de ces sandwichs. Donc, Ah oui, d'accord. Bah, d'ailleurs, tu vas en Et vous trois, d'ailleurs. Voilà, je vais te condamner. Ah. Oui, mais tu pourrais nous tuer pour 1 euro, donc. Symbolique. Bon, même gratuitement, hein. S'il a la garantie qu'on l'emmerde plus. Bon, les amis. Et moi, bah, je vais vous laisser. Ouais, très attendez, bon épisode. Attendez, Antonin, on lui fait sa pub quand même. Il est pas venu. Bien sûr. Fous, t'inquiète. On peut te retrouver sur les réseaux. Tu veux quoi, tu veux faire la pub de ton Instagram personnel? Oh bah. Mais je suis malheureusement très inactif sur le compte Léon. Mais c'est pas grave, ça va revenir. Oui, ça reviendra. Non, mais Léon, L3HON, c'est ça? Sur ouais, Twitch. L3HO et 2N. Et deux juste, moi, les gars, je laisse le truc allumé et je vous laisse faire la pub à Antonin. Antonin, la bise. Je vous salue, merde. Hein. Je te jure. Grosse merde. Ouais, ne ferme pas la page. Hein. Ça va, il a pris le réflexe. Ouais. Non, là-dessus, et sinon, Food Lover. Hein. Food Lover, à partout. Lui. Combien d'abonnés, Food Lover, à l'instant T? Cumulé sur Provence. Ou cumulé déjà. 130 000, je crois. Solide. Non, sur Provence solide. Ouais. Ah non! Ah bah, TikTok, cumulé. Facebook. Ah ok. Oh, grâce à ta belle gueule. C'est Corsica qui marche bien aussi et Paname qui se développe tranquillement. C'est compliqué, mais ça se développe. Mais du coup, vous allez continuer. Ils vont à 32, Food Lover Provence sans toi là après. Non, bah justement, le but c'est aussi de. En fait, de base, le truc c'est qu'il devait y avoir d'autres personnes qui se montrent aussi quoi. Oui, mais t'es le. Je sais pas comment dire, mais t'es. En fait, t'es vu que je suis un classique. Connard qui adore me montrer et faire le con, bah forcément. C'est devenu la tête, la voix quoi. Oui, c'est en plus. La voix, la tête, ouais. Tout. Le boss. Le cul aussi, quoi. Le bon cul, tout le. On en parle hein, sur le Twitter. Le bon cul de Food. Mais on en parle pas assez justement. Je trouve que j'ai d'ailleurs, est-ce que t'as des gens qui t'ont appelé Food Lover? Food Lover! Bah, si tu veux, j'ai une des. Mini anecdote pour finir. Les premières fois où on me reconnaît, ça doit être la deux ou troisième fois qu'on me reconnaît. Je me garde dans ma rue et il y a un mec qui court avec sa meuf. Enfin, tu sais, ils font leur footing quoi. Et le mec se retourne, me voit en train de fermer la voiture et il fait oh putain, Food Lover! Et moi, je suis en mode bah, dis bonjour, genre. Du coup, il a explosé de rire au loin parce que moi, je suis en mode mes frères, genre, fais un effort. Et du coup, il m'a fait coucou au loin et puis voilà. Ça m'a fait marrer de fou furieux. C'est la première fois où on m'a reconnu. Mais vraiment, il a dit à ça. Oh putain, c'est Food Lover! Et tu sais, vraiment, sa voix elle faisait. Oh putain, c'est Food Lover! De fou que le mec soit excité. C'était très, très, très marrant. Mais on m'a reconnu quelques fois quand même. Hein. Putain, mais ça y est, hein. C'est fou. En tout, je dirais une vingtaine de fois. Faut que tu sors sur cette vague, hein, bordel. Bah, ouais. Oh, bah je, oui. Peut-être. Histoire que la thune te revienne un jour, quoi. Peut-être. Inch'Allah. Inch'Allah. Non mais voilà, Food Lover, Twitch, Léon et puis voilà. Oui, est-ce que Twitch, tu as d'autres... par contre, c'est L3HON juste. Ah voilà, pardon. Ah oui, et Instagram avec deux N à la fin. C'est L3HONN, parce qu'on m'a pris le compte. Oh, pas cool. Pas cool. Et c'est pareil sur TikTok, tout ça? Ouais. Ok, nickel. Après là, je suis vraiment moins actif pour le coup, mais ça reviendra. Ça reviendra, c'est cyclique, hein, tu sais, la création. Exactement. Et puis voilà, on peut vous retrouver où, les gars? Mon Instagram personnel, le seul réseau qu'on a. Après, on a un Twitter où on poste pas et une page Spotify qui marche pas, donc c'est un scandale ce qu'on fait sur ce podcast. Non, mais comme on en parlait la dernière fois, ouais, j'aimerais bien qu'on recrée une page Spotify histoire de reset notre algo. Mais je sais pas, tu crois que ça va faire quelque chose? Bon, on peut en parler plus tard, mais. Non, mais on avait eu un boost en gros de recommandations au début avec l'hébergeur qui s'appelle PodCloud, ouais. Et maintenant on est éteint en gros. Et ouais, parce que. Ah ouais, faudrait peut-être le refaire effectivement. Donc, ouais, écoute, j'hésite à tout recréer. Là, on est au cinquième là? On est, ouais, épisode 4. Quatrième. Ah, quatrième, pardon. Cinquième enregistré, ouais. Ah oui, c'est vrai. Si, il y a eu l'épisode 0. Et oui. Exact. Et ben, on peut voir. Ouais. Au pire, on dit que c'est une première saison qui se finit et la deuxième, elle part sur sa propre page. Oh putain, ça me plaît ça. Oh, c'est malin ça. Ah bah oui, il faut tout justifier. Non, mais ouais, Lucas fera son comeback. Ouais, de fou. Non, mais voilà, sur ce, les amis, c'était encore un superbe épisode. On était énorme. Merci à vous. Bisous. La bise, tout simplement. Bisous. Allez, la bise.